100% rap français, planète rap. La Nocturne. Et c'est parti juste après Difool pour La Nocturne 100% rap français. C'est un plaisir de retrouver Monsieur Kamel l'Ancien avec nous. Plaisir partagé, merci Fred. Ça va? Ouais, franchement tranquille hein. Ça y est, je l'ai dans les mains, il est sorti aujourd'hui. Ça y est, il est sorti aujourd'hui, il est dans les bacs. Nouvel album, Le Cœur ne ment pas. Le Cœur ne ment pas. C'est l'album de Kamel l'Ancien qui est finalement de retour sans être jamais vraiment parti. Après, toi t'as besoin en fait de vivre des petites pauses. Je pense, ouais. De vivre tout simplement en fait. Ouais, exactement, pour avoir des expériences et aussi pour avoir aussi du recul au rap, tout simplement, et puis voilà. Bon, t'es content de revenir là? Franchement, très bien, surtout avec cet album-là, c'est un album qui me correspond très bien. T'as mis combien de temps celui-ci pour le faire? Ben, pour faire les pour l'écrire, tout ça, j'ai pris à peu près 3-4 mois. Après, pour poser, ça a été très rapide en studio, on a fait un mois et demi de studio. Plus le mix, ça fait 2 mois, ouais. Six mois en fait, on a fait. Et ben 6 mois, donc cet album de Kamel l'Ancien qu'on va pouvoir découvrir ce soir dans une nocturne. Ouais. On va revenir aussi sur les gros classiques de Kamel l'Ancien. Bien sûr, un retour en arrière. N'hésitez pas à balancer des messages avec le hashtag Kamel l'Ancien sur Skyrock. On dit toujours Kamel l'Ancien, hein, ça va pas changer. Ouais, Kamel l'Ancien, Kamel l'Ancien, il y a de tout. Il y a de tout, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Bon, il y a un clip aussi qui est arrivé parce que. Ouais, juste à l'heure, à 18h30, qui s'appelle Floyd Mayweather. Le sport. Toujours. Sports de combat. Toujours, voilà, c'est un peu un hymne un peu pour les boxeurs. Mmh. C'est un personnage aussi que j'aime beaucoup, un boxeur, un champion du monde. Et puis voilà, en fait, faut sacrée personnalité en plus, le mec. Ouais, grave. Ouais, bon, en attaque, coup d'envoi de cette nocturne. C'est parti. Kamel l'Ancien au contrôle, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui ou alors en précommande, en commande dès maintenant. Et le morceau qui est arrivé aujourd'hui à 18h30 en clip, en image. Floyd Mayweather. Kamel l'Ancien dans les bacs. Kamel l'Ancien. Dédicace à tous les quartiers de France. Marseille, Lille, Montpellier, Paris, la banlieue parisienne. Toujours explosif, jamais sous l'effet d'un spliff. On dirait que je sors de rifle, dangereux comme un mec du riff. Laisse-moi faire mon pif, en secret je sais que tu kiffes. J'ai pas pris une ride, j'ai pas pris du bide. En direct live du Rodma, en direct de la Cuenta. Avec Hicham et Rimka, Porsche Panamera. Le label présent, Rocket, on bat tous les records. Marche sur une centaine de corps, bois de ma fontaine à corps. Chicha menthe, fumo, vitre fumée. Fume tous ces fumiers. Et n'oublie surtout pas de les filmer. Marocain fier comme Badrari. Fraîche Montana, Yankee fait pas le crinri. Tout ça parce qu'elle est fraîche ta nana. On est là à vie pour les lever. Nique sa mère le love. Le premier qui gaz on va lever. Il finira dans un coffre. On est là à vie pour les lever. Nique sa mère le love. Le premier qui gaz on va lever. Il finira dans un coffre. Harvey, Kamel l'Ancien. Mourabi. Harvey. Lance, roquette. Mourabi. Tu veux niquer, ben t'seras pas le premier. Tu veux niquer, ben t'seras pas le dernier. Fais la queue, prends un ticket. Floyd, Mayweather, Floyd, Mayweather. Floyd, Mayweather, mon flow, mes fire. Floyd, Mayweather, Floyd, Mayweather. Floyd, Mayweather, mon flow, mes fire. Ce qui paraît t'es balèze, vive les produits, vive la testo. J'm'introduis, qui veut tester, qui peut tester. Y'a personne en face, personne m'efface, personne prendra ma place, personne n'aura ma classe. Tu rappes que devant ta glace, gigote comme une vulgaire tasse. Les jaloux je laisse de glace, ton flow n'arrête pas de boire la tasse. Ah, juste au-dessus c'est le soleil, laisse-moi mettre ma quenelle. Loin de vos petites querelles, vos chichis de pucelle. Floyd, Mayweather, Floyd, Mayweather. Droite, gauche, tout à l'heure, mon flow pour tomber le fire. Harpé, mon rêve, le drapeau rouge, je viens hisser. J'passe au plan B d'emblée, représente le deux-blé. Nique tout comme un tarblé. Harvey, Kamel l'Ancien. Mourabi. Harvey. Lance, roquette. Mourabi. Tu veux niquer, ben t'seras pas le premier. Tu veux niquer, ben t'seras pas le dernier. Fais la queue, prends un ticket. Floyd, Mayweather, Floyd, Mayweather, Floyd, Mayweather, mon flow, mes fire, Floyd, Mayweather, Floyd, Mayweather, Floyd, Mayweather, mon flow, mes fire, Floyd, Mayweather, Floyd, Mayweather, Floyd, Mayweather, mon flow, mes fire, Floyd, Mayweather, Floyd, Mayweather, Floyd, Mayweather, mon flow, mes fire. Harvey, tu veux niquer, ben t'seras pas le premier, t'seras pas le premier, ben t'seras pas le premier. Tu veux niquer, ben t'seras pas le dernier, fais la queue, prends un ticket, fais la queue, prends un ticket. La planète rap nocturne sur Skyrock. Turne. Que du vieux, du Kamel l'ancien à l'état pur. L'album il est dans les bacs, faut aller soutenir la famille. Musicast, Kamel l'ancien. À part je suis jugé putain, dis-moi j'ai des doses perdues. Tous les jours je résiste, la patience est une vertu. Je préfère un mec qui m'aime pas, limite qui me le dise en face, qu'un mec qui me tape des sourires et derrière me fait des phases. L'amour c'est véliquoté, la pitié est mise de côté. L'amitié c'est fait violer, jeté sur le bas-côté. Y'a que des grands malades, on enferme les gens normaux dans des hôpitaux, c'est le monde à l'envers. Poto, poto, ce mot disparaît et disparaîtra. Petit, rappelle-toi, un jour ou l'autre tu verras. On m'invente des histoires, parle à ma place honnête. On dit que je suis un haze parce que je suis toujours un surbête. Les apparences sont trompeuses, on juge beaucoup trop vite. Les rumeurs sont dangereuses, certaines produisent aussi vite. Les sentiments disparaissent, à part chez nos darons. Les seuls qui dans ce monde méritent de porter une couronne. Que du vieux. Que du vieux. Tous les quartiers de France, que du vieux. Marseille, Paris. Chacun d'entre nous se noie dans un chagrin. Au lieu de renouer les liens, on cultive seul son jardin. On s'invente des embrouilles pour ne plus calculer. Combien de fois j'ai entendu ce mec là, c'est un enculé. Tu sais plus à qui te confier, à qui faire confiance. Trahir son reflet, c'est un mort sur la conscience. Les jaloux sortent leur terrier quand tu sors de ton trou. Ils rêvent de t'enterrer, de voir finir à genoux. On se méfie de tout le monde, on en devient parano. Certains se renferment sur eux-mêmes, ne disent plus un mot. C'est vrai que trop parler, des fois ça peut tuer des tours. Les mecs deviennent des commères comme des gardiens en bas de leur tour. Frère, chacun son tour, la mort est le meilleur rappel. Un jour tu seras obligé de répondre à son appel. Appelle masqué et ne m'empêche de dormir. J'éteins mon téléphone, façon demain sera encore pire. Que du vieux. Que du vieux. Que du vieux. Je m'entraîne comme un chien car les hommes sont devenus des chiens. Mon rap, mon flow, ma carrière sont devenus des chiens. J'ai fait des grosses trucs, j'ai tout donné de bon cœur. C'est pas pour me vanter mais pour dire personne m'a renvoyé l'ascenseur. Je connais l'être humain mieux qu'un médecin légiste. Je sais de quoi il est capable, face à lui je résiste. J'enregistre encore un classique, ajoute ça à ma liste. Je prêche la bonne parole, j'y crois dur comme faire je persiste. Ils ont vendu leur âme, normal que leur CD se vendent. Ils ont rendu leur arme, tous des traîtres, faut les pendre. Bienvenue dans le monde des Illuminati. Ne sois pas choqué, qui mettent l'accent sur l'islamophobie. Ils détestent les musulmans, ils veulent les anéantir. Exécutent leur plan pour ça, ils prennent des années entières. On a les têtes de Turcs, nos têtes sont mises à prix. Une balle dans la tête, en Palestine, c'était pas l'abri. On prie, nos tapis de prière nous consolent. Comme l'ancien. C'est magnifique, un front sur le sol. Les années passent, mais c'est toujours le même disque. Ça ira mieux demain, voilà ce que les vieux nous disent. Que du vieux, à part ça, rien à signaler. Tu me connais, je suis calé, mais je vais pas me laisser aller. Le moral au plus bas, le mental le plus dur des combats. La routine parisienne d'un mec en bas. J'espère que tes parents vont bien, pas sans salam. C'est le plus important, le reste c'est une grosse banane. Le cœur ne ment pas, dans les bacs Kamel l'ancien. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Martinet, Schumann, Barneuf. Depuis toujours. Pour le Kamel Bicette. Le président me remet son mélange. Martinet style. Écoute ça. Je viens briser le mythe. Kamel l'ancien, celui qu'ils aimaient. Tu es un casseur d'ambiance, donc faut pas que tu m'invites. Sont à l'ancienne, Jérôme et mes teams. J'ai qu'une seule équipe et c'est le comité team. J'fais un spécial, j'donne mon point de vue. Comme à l'accoutumée, j'représente les coins bruts. Tu me connais, ouais, j'esquive les projecteurs. J'me fais rare comme un putain d'inspecteur. Celle-là, c'est pour Papi, Mikael, c'est Mr. Tiki, Mr. Kamel, l'ancien Daddy. Fais-toi belle bonne pour une seule personne liée. Comme Iniesta et Messi à Barcelone, liée. Tu kiffes mon cheveu sur la langouste. Tu dors dans tous les sens comme une putain de langouste. J'kiffe le son, mais y'a que tu que j'adore. Mon album en boucle direction, on adore. Ceux qui s'arrêtent juste pour faire la salade ou faire le plein. Manger une petite salade et on se remet bien. Remets le son pour l'apprendre par cœur. J'ai qu'une seule parole, nique sa race de Tony Parker. J'suis un Wishdi ou Harry Melka. J'dis ce que j'veux, j'fais ce que j'veux comme un Elka. Sauce, rajoute la sauce dans mon tagine précieux. Dans mes bras, tu t'imagines. Comme le 17, style Martinet, comme l'ancien. Précieux, comme le sourire de nos darons. Précieux, mon rap, c'est le peu bon sur la Garonne. J'suis revenu dans le game, oui messieurs. Toujours à la recherche de mon putain de précieux. J'veux me sentir seul comme un astronaute. Ou un petit rêve posé dans son halot. Souci, j'lâche rien comme un souci. Souci, j'vais faire des sous et scoussi. Sur la route de Gaza, avec une liasse. Maroc style, policia, et j'retrace. C'est mon freestyle, donc je dis ce que j'veux. Préviens ton oncle, ta MD et ton neveu. Au cœur de l'action, en face aucune réaction. Douloureuses sont mes rimes, contraction. C'est du rap arabe, en français. Maroco, gang avec une carte d'identité. Depuis tout à l'heure j'improvise, j'ai rien écrit. J'arrive à l'improviste, les jaloux plus décrits. Attends-toi, à plus d'un attentat. C'est ridicule, comme Bertrand Cantat. Dealer de la ferme physiquement à tout jamais. Vite un mytho, prane, ils savent même pas rapper. C'est pour les frères emprisonnés qui gardent espoir. Mon album n'arrête pas de résonner dans les couloirs. Famille Warij, Daini, Yaya, Abdella, Ahmed, Tiki Brahms. Mes neveux, mes nièces, au contraire. L'album il est dans les bacs depuis ce matin, 25 septembre, Tiki Kamel l'ancien. Moi petit hobbit, mauvais, plafé, fort. Non, non, pas le maître. C'est Kamel l'ancien. Il faut te duper, te faire du mal, mordir. Comme la bisette Martinet. Le cœur ne ment pas. Direct de Skyrock, la nocturne, tous les quartiers de France. C'est la nocturne avec Kamel l'ancien au contrôle. Le projet dans les bacs, le cœur ne ment pas, à découvrir ce soir avec trois extraits à l'instant. Et précieux, c'est ce qu'on écoutait. Voilà, il y a les deux clips, il y a les trois clips là. Il ouais, y a Mayweather, le clip. Précieux tout à l'heure. Voilà. Et le comment il s'appelle, Que du vieux aussi. Et Que du vieux qu'on écoutait ouais. aussi à l'instant sur Skyrock. Kamel l'ancien donc de retour avec un nouveau projet. Avec et un nouveau projet. Mine ouais. de rien, c'est quand même une sacrée carrière Kamel. Quand tu fais un petit retour en arrière. Ouais, tu repenses au je sais pas au milieu des années 90 quand t'as commencé à rapper. Ouais, je suis très nostalgique sur je suis très nostalgique surtout à l'époque avec ROH2F tout ça, là où j'ai fait mes premières armes et là où il m'a appris beaucoup de choses dans le hip-hop. Donc c'est la meilleure période que j'ai vécue, c'est cette époque-là. Que ça soit tournée musicale, que ça soit en studio, tout ça, tout ce que j'ai appris, c'était énorme en fait. En plus, ça partait parce que c'était une passion avant tout le rap pour toi. T'as jamais pensé pouvoir faire une carrière dans le rap, c'était... Non, pas du tout. C'était un côté vraiment passionnel. C'était un loisir. C'était là où je faisais mes. En fait, c'était mon hobby, quoi. Tu vois, c'était mon truc. Il y avait des gens qui avaient le sport, il y avait des gens qui avaient d'autres choses à côté. Moi, c'était la musique. Bon, en même temps, t'avais les deux aussi, parce que le sport, tu continues. Ouais. Après, j'ai découvert un peu plus tard. Ouais. Bien sûr, je continue. Maintenant, c'est devenu plus sérieux. Mais avant, dans les débuts, c'était vraiment la musique, le rap. Toi, tu te souviens d'un morceau en particulier quand t'étais gamin, quand t'étais plus jeune, qui t'a marqué, qui t'a donné envie justement de rapper, de prendre un papier, un stylo? Oh là là, il y en a eu plusieurs. Hein. Franchement, il y a eu les premiers albums de IAM, premier album de NTM. Mmh. Les premiers titres de Fab aussi. Comme il habitait à côté de chez nous, c'est un gars qui m'a beaucoup inspiré. Et tu sais, ça me faisait rêver en fait. Maintenant, on vit plus ces trucs-là parce qu'on a pris de l'âge et parce que tu vois, le rap a changé. Et puis maintenant, toi aussi, hein, d'ailleurs, tu as pris de l'âge, mais tu es toujours présent aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ça se passe beaucoup maintenant par les réseaux sociaux. Ouais, moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu quand les cassettes, ils tournaient. Ouais, c'est ça. Et les mixtapes à l'époque. Et quand je tombais sur un gros titre, il y avait quelque chose qui se passait. Il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait rien de tout ça, en fait. Toi, voilà, il fallait aller kicker. Je crois que d'ailleurs, une des premières fois, tu étais en freestyle, c'était Iqbal qui était venu te chercher pour aller sur Talent Fâché à l'époque. Voilà, exactement. Iqbal aussi, que je fais un big up, il m'avait beaucoup aidé à l'époque. Et il m'avait repéré à la radio. Je faisais des freestyles. Et il était venu me chercher, qui voulait que je pose sur son projet. Tout ça s'est fait petit à petit. À l'ancienne, c'était bien, c'était convivial, tu vois. C'est comme ça, c'était comme ça que l'aventure a commencé. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Quand Iqbal est venu me chercher, là, tout a changé. Bon, est-ce qu'il y a toujours autant de plaisir, justement, d'avoir l'objet, d'avoir le CD entre les mains quand, ouais, quand ça sort? Ouais, franchement, ça me fait toujours ce truc-là. C'est, tu sais, c'est ton petit bébé, c'est ton travail, c'est des heures en studio, tout ça. Et quand tu vois que ça se passe, là, c'est une des rares fois où ça se passe exactement comme je le veux, tu vois. Parce qu'avant, il y avait toujours des trucs un peu difficiles. Tu vois. La musique. Et là, avec Musicast, avec ce label-là, on a su trouver des terrains d'entente et ça glisse, en fait, cet album-là. Il n'y a aucune pression, j'ai aucune pression. L'album, il est sorti aujourd'hui. J'ai pas de pression parce que toutes les 2-3 heures, j'ai un truc à faire. Et voilà. Il y a une promo, il y a un interview, tu vois. Bon, bah, Kamel Lancien, on va profiter de toi encore là pendant plus de 45 minutes avec nous. On va continuer à découvrir évidemment cet album. Pour ceux qui veulent l'avoir, justement, on parlait en support physique, mais ceux qui veulent l'avoir tout de suite, là, on peut le télécharger. Hein. On peut le télécharger, il est sur tous les supports digital sur internet et j'espère que les gens vont supporter. Il faut savoir que c'est très important pour nous, les artistes, d'être acheté à la Fnac, d'être acheté un peu partout sur les réseaux sociaux. Faut que le travail soit fait, sinon l'industrie du disque, un jour ou l'autre, elle va partir. Et les artistes avec. Et les artistes avec, je pense aussi. Kamel Lancien avec nous. On se replonge un petit peu sur des gros morceaux, des grands morceaux de Kamel. Vas-y. On repart sur quoi? Danse de guerrier? Ouais, Danse des guerriers, un gros classique. En plus, ça ressemble un peu, on va dire, dans l'esprit à Mayweather, le clip qui est sorti aujourd'hui. Donc voilà. Donc toi, c'est quoi par exemple? Là, on va balancer le morceau. Les premières notes, ça te rappelle quoi quand t'entends Danse de guerrier? Il y a un moment particulier, que ce soit l'enregistrement, que ce soit. Quand on m'a envoyé la prod, franchement. C'est vrai? Ouais, j'ai pris franchement une sacrée tarte. Parce que les prods à l'ancienne, c'était beaucoup mélodie, tout ça. Donc ça te prenait vraiment les tripes, tu vois. Et là, tu t'es dit, bon. Ah, faut que je fasse un classique dessus. Il faut que je fasse un classique dessus. Ouais. Bah, je le dédicace à tous les mecs de Kremlin, ce morceau. Danse des guerriers, Kremlin Bicêtre, Martinet. Ça a commencé comme ça, ce morceau, Danse de guerriers, voilà. Kamel Lancien. Dédicace à Fred de Sky qui nous suit depuis le début. L'album Le cœur ne ment pas dans les bacs. C'est Kamel Lance. Vas-y, lance. Putain de son que je balance, mes putains de lance, frère. C'est le son, t'as les lances, Pierre. Je mets trop d'ambiance, frère. Vas-y, danse. Danse. Entame une danse de guerrier. Autour de l'adversaire, autour de son terrier. Pense. Pense à ce que j'ai fait. En l'espace d'un an, je me suis imposé dans le rap français. Danse. Danse pour Kamel Lance, ma belle. C'est le vrai son de la guerre. J'ai mon free fight et ma belle. Danse. Avant de monter sur le ring. Danse, poteau. Lâche-toi sur ton parking. Danse. Danse, t'as le king. J'écris ce texte avec Ali Coach et Hakim. Fais toutes les cités hoche. Hoche la tête avec ma tribu. La main maître. On part à la conquête. Tourne autour de mon adversaire. Je me fais perdre la tête. J'entame une danse de guerrier. C'est ton dernier anniversaire. C'est ta dernière fête. J'entame une danse de guerrier. Tourne autour de mon adversaire. Je me fais perdre la tête. J'entame une danse de guerrier. C'est ton dernier anniversaire. C'est ta dernière fête. Vas-y, danse. Danse, danse le rame. A tous les pratiquants de Muay Thai qui aiment taper. Danse. La danse de combat. Tous les coups sont permis, même les coups bas. Plusieurs pas vers les pas. Une minute d'inattention et hop, c'est le chaos. Danse. Comme un cowboy au milieu tôt. Ou comme au sol, la légende vivante Minoto. J'aime le rap. Comme j'aime le grab. Ligne, danse. Mais fais en sorte qu'on voit pas ton string. Comme le dernier samouraï. Ou comme Shuriken. Shuriken. J'manie le katana pour pas qu'on me tienne. Danse. Jette-toi comme un deck down. Lâche-toi. Fais-toi plaisir. Vas-y, get down. Comme Prince Lazim Ahmed. Pas comme ce tête de Prince. Mais plutôt comme Ali Mohamed. Tourne autour de mon adversaire. Je me fais perdre la tête. J'entame une danse de guerrier. C'est ton dernier anniversaire. C'est ta dernière fête. J'entame une danse de guerrier. Tourne autour de mon adversaire. Je lui fais perdre la tête. J'entame une danse de guerrier. C'est ton dernier anniversaire. C'est ta dernière fête. J'entame une danse de guerrier. Danse avec moi. Chante avec moi. Chante mon ça. J'entame une danse de guerrier. Dans mon délire. Même si tu vas mourir. Ton sang sur ma ça. J'entame une danse de guerrier. Danse avec moi. Chante avec moi. Chante mon ça. Chante mon ça de guerrier. Dans mon délire. Même si tu vas mourir. Ton sang sur ma pesa. Dédicace à Brahms, Comité Team. toute la salle de sport. Achille Boxing Style, Patis Mons, Dicas à Amadou, Boupsi, Gitan le petit. Danse. Chante à mes danses de guerrier. Danse avec moi. Chante avec moi. Chante mon brossard. Chante à mes danses de guerrier. Rentre dans mon délire. Même si tu vas mourir. Ton sang sur ma brossard. Chante à mes danses de guerrier. Danse avec moi. Chante avec moi. Chante mon brossard. Chante à mes danses de guerrier. Rentre dans mon délire. Même si tu vas mourir. Ton sang sur ma brossard. Direct de la nocturne. Kamel l'ancien sur Skyrock. Tous les quartiers de France, Nancy, Metz, Brest, Nantes, Clermont-Ferrand, Paris-Centre, banlieue parisienne, 77-94-78, 93-92-91. Tous les fans de Kamel Lance, Kamel l'ancien, Marseille, Toulouse, Lyon, Chambéry, Reims, Bordeaux, Le Havre, Dijon, tous les quartiers, toutes les ZUP, en mode Kamel l'ancien, le cœur ne ment pas dans les bacs, vrai soutienne vrai. Pain, pain, pain, pain, pain, pain, pain, pain. 100% rap français. Encore un classique. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Depuis l'époque, mon pote. On change pas, toujours le même. Toujours le même quartier, toujours la même famille. La tête sur les épaules et les pieds sur le terre-terre. Dédicace à tous les mecs de France qui ont connu la même vie que moi. Cœur ne ment pas. Savour, savour, savour. Kamel l'ancien, c'est du lourd comme Aznavour. C'est pour Yahya, Mamadou et Steve. C'est pour Oujda, Bamako et Steve. Je viens tout niquer comme les généraux en Algérie. Ouais, la rue me kiffe, elle m'appelle mon chéri. J'ai toujours pas de femme, je fais l'amour à ma feuille. J'aime la misère, tous les jours elle m'accueille. Traîne à Kremlin, traîne à Greeny Hood. Je fais toujours le même chemin, je suis paradin, je suis pas ni hood, moi. J'aime mes frangins. Toujours à jeun. On rêve de compète, on rêve de cage. Les MC la bête. Mais qu'est-ce que tu veux frère? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont rien dans la tête. À part des rimes, moi le rap c'est secondaire. La tête sur les épaules et les pieds sur le terre-terre. Un jeans à 101. Une paire de TN. Un banlieusard Kamel l'ancien. Je suis simple comme mon hall, comme mon ghetto. Jamais d'anniversaire, jamais de cadeau. Non. Élevé à 10, dur comme la pierre. Il veut pas le hess, moi je kiffe la hess. Tu réussis, bzahdek, moi je m'en fous. Bientôt le rap c'est fini, bientôt je m'enfuis. Je pense au prophète Youssef. Et là je me dis c'est fou ce que je suis dans le zef. La vie c'est pas dur, c'est l'homme qui rend ouf. La femme qui rend ouf, l'argent qui rend ouf. On n'est pas reconnaissant, vive le tout puissant. Je rappe en même temps, je pense à ce qui nous attend. Tu l'as bien deviné, je suis un taré. Terré dans mon quartier, je suis toujours barré. T'as la rage cousine, je te calcule pas. Ne lui en veux pas Kamel, il est comme ça. Je réponds jamais, avant personne me sonnait. Maintenant ben, tout le monde me connaît. Les petits jeunes me check, prennent la confiance. Je résiste à l'époque, c'était direct violence. Lance, bim bada boum. Toujours timide comme à l'époque des booms. Des fois je reste chez moi, dehors y'a rien à faire. Y'a rien à voir, c'est toujours la même mon frère. On se regarde vieillir, y'a pas plus tard qu'hier. On était une bande de gamins qu'attendait l'hiver. Le quartier nous a marqué, rien qu'on se fait remarquer. Si tu tombes, je suis là pour te remorquer. On s'entraide, ouais, à bas les traites. Des baves dans leur gueule, c'est comme ça qu'on les traite. Je suis fils aîné de la tristesse. Elle m'a élevé, je l'aime devant le monde entier, je l'atteste. Avec elle, je suis bien, je m'embrouille jamais. Elle m'a appris à me relever, m'a appris à ramer. Elle a fait de moi Kamel l'ancien, un chien de la rue. Un rue, l'égalité, ouais, je viens de la rue. Là où les darons galèrent à mort. Là où la jalousie passe par les ramors. Là où les haines met fin à des carrières. 3-4 frères, pas plus, surveille tes arrières. Je suis foutu, dès que je quitte mon quartier plus 3 jours. Je suis pas bien, je suis triste, j'attends le retour. Le cœur ne ment pas dans les bacs. Depuis ce matin, retour en arrière. la nocturne. Yeah. Ouais, ouais. Fuck les jaloux. C'est encore Kamel lancé en photo. Toujours les mêmes. Papy Series, ghetto truand associé. Dédicace au Kremlin Bicêtre. Tous les quartiers de France. Nîmes. Yeah. Et j'ai avancé si c'est là. Y'aura personne pour me soucissonner. Tu me verras souvent seul, même au ciné. Ça parle grave à 35, puis c'est chaud, arrête de zoner. Retourne d'où tu viens, arrête de me zoomer. Et ouais, c'est à toi que je m'adresse. Tu vas faire ouais, nous. Wallah, j'ai de quoi te faire perdre toute ta graisse. La voix qui t'agresse. Depuis le premier rap, la jalousie augmente. À des martinets attrapent. Que des mythos. Dis genre écoute poto, cette phrase est adressée à toi, c'est que du mytho. C'est marrant, énervant en même temps. Quand tu sais que ceux qui parlent disent bonjour à tes parents. Des jaloux, c'est tout ce que vous êtes. Me donner de l'inspiration, c'est tout ce que vous faites. T'as la rage, t'es perturbé par mes couplets. T'es pas au bout des bêtes, déjà juste de commencer. Jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux. Yeah. Jaloux, mon cœur ne ment pas. Dans les bacs depuis ce matin. Gros gros gros album. Je t'envie mec, mais je veux pas l'admettre. Je te souris à moitié quand je te sers ma main prête. Je vois dans tes yeux, tu ne captes pas. Pourtant dans mes combines pour te faire chier, tu ne marches pas. Tu sais, je t'ai vu hier par la fenêtre monter dans ta caisse de luxe payée grâce au succès de ton entreprise. En montant j'aurais aimé que la cheville tu te luxe. Je m'en bats les neufs. Pourquoi toi t'as plein de potes, tu t'entends bien avec du monde. Pendant que moi je fais ma ronde. Pourquoi t'as l'art de tchatcher au go. Tandis que moi je me casse les dents sur les meufs à blême pro. Je réunis mon équipe de jaloux. Tous ont la haine contre un mec doux ou un loup. Qu'importe, posé sur un banc, je desserre le col. Et je noie ma peine dans le shit et l'alcool. Jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, putain rien. Fuck les jaloux. Jaloux, jaloux. Le cœur ne ment pas. Putain rien. Jaloux. Dans les bacs. Jaloux. Kamel l'ancien. Putain rien. Lance roquette music. Alhamdoulilah, je suis pas atteint de cette maladie. La jalousie, tous les mecs m'athésient. Je leur souhaite le paradis. Un, t'es atteint de son poison. Deux, la jalousie, je l'esquive en queue de poisson. Petit si je t'ai pas arrosé, c'est parce que chien, ma famille c'est toi. Le fils de regarde ce que t'as causé. Ramène qui tu veux. Une balle de mon âme, c'est une jambe qu'on ampute. C'est quand tu veux, depuis que j'ai eu la baraka de mes parents. 2005 à plus de baraquer. Réfléchis avant de me braquer. Tout le monde sait que t'as craqué. T'arrêtes plus, tu l'as fondé sur la haga. Joue pas à le détraquer, les frères le savent. T'es qu'une mauviette, c'est sauf qui peut. Tu finiras comme un carry face à un diète. T'es qu'une sous-mère, tu mourras comme t'as vécu. Viens pas me lécher ton amitié, j'en veux plus. Jaloux, jaloux. Fuck les jaloux. Jaloux, jaloux, jaloux. Fuck les jaloux. Ramelin Bicêtre style. Jaloux, Barneuf, Bergonier. Jaloux, putain rien. Texas City, Kamel Lance. Jaloux, fuck les jaloux. Putain rien. Jaloux, jaloux. Le cœur ne ment pas dans les bacs. Jaloux, putain rien. Depuis ce matin, c'est du très très lourd. Jaloux, fuck les jaloux. Eh, jaloux, jaloux. Direct de la nocturne. DJ. Hey. Fuck les jaloux. M2M. Mose. DJ K. High Tech. Madmen. 2005. Il y a 10 piges déjà. 2005. Ah oui, j'étais en train de bloquer. J'ai entendu 2005. J'avais zappé que c'était 2005. Même moi. Même toi, t'avais oublié. Tu disais merde, c'était quoi il y a 15 jours. Exactement. Ah ouais, 2005 quand même celui-ci. 2005, ouais. C'est Fuck des les jaloux. Titres. Ouais, c'est des titres qu'on a fait ouais, en 2004-2005. C'est sorti en 2005, mais je pense même qu'on l'avait enregistré en 2004. Bah voilà, une grosse dizaine d'années. Ça nous rajeunit pas c'est tout vrai, ça. C'est bien. Toujours aussi frais. Ça, regarde, ça, ouais. Ça a pas bougé. Ouais, franchement, ça fait plaisir de réécouter les titres. Et bon, on en mettra d'autres encore tout à l'heure. Kamel l'Ancien yes. est là ce soir. C'est lui qui a pris le contrôle de la nocturne avec l'album Le Cœur ne ment pas. Ouais. Qu'on découvre cette semaine, ce soir, jusqu'à un peu plus de 1h du mat avec Kamel l'Ancien. Le Cœur ne ment pas, qui est dispo dès maintenant. On peut aller cliquer pour le récupérer. Je sais pas si t'as remarqué le concept aussi avec toutes les photos là, des gens en fait. Y a... Oui, il y a pour ceux qui aiment justement l'objet, la pochette. Ouais, mais tu sais, le truc, c'est que c'est plein de gens qui m'ont envoyé leurs photos sur internet. Et on a pris toutes les photos des fans, on les connaît même pas, tu vois. C'est ceux qui... Et on les a mis sur la pochette. Donc n'oubliez pas d'aller, ceux qui ont envoyé la photo, n'oubliez pas d'aller chercher votre CD. Vous allez voir votre grosse tête sur le, sur le livret. Ah ouais, il y a plein de photos, ouais, allez-y donc. Ouais, ouais, ouais, c'est, exactement. C'est un petit jeu que t'as lancé quoi sur les réseaux, ouais, sociaux. Ouais, exactement. On a demandé à tous les gens qui envoient leur photos sur la page, ils nous ont envoyé leur tête et on les a mis. On les a mis un peu partout sur le livret. Bon, en même temps, c'est vrai que t'es toujours proche des gens, hein, Kamel. Bah, je pense que c'est le plus important. C'est toujours, voilà. Et... C'est la musique, c'est un partage. Moi, depuis le début, ceux qui m'ont toujours soutenu, c'est mon public, donc je reste proche d'eux. Il y en a plein maintenant, j'ai fait leur connaissance, que je vois, que. Ah oui, tu t'entretiens, ouais, des. Ouais, grave, il y a des gens obligés, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par des trucs difficiles. Et le fait que toi, t'as été là pour eux, tu leur as rendu service avec ta musique, ben, après, tu gardes contact, t'essayes de savoir s'ils vont mieux, tout ça, tu fais un suivi, en fait. Ça, c'est un truc qui touche, justement, ouais, quand on vient de voir, qu'on dit, voilà, ta musique, elle m'a accompagné dans tel moment de ma vie. Ouais, moi, franchement, ça me touche vachement parce que je me dis au moins, tu vois, j'ai pas fait du son pour rien en fait. J'ai pas fait ça que pour moi. J'ai fait ça aussi, j'ai rendu service à des gens et c'est ça vaut tout l'or du monde. Tu vois, c'est mieux que de vendre je sais pas combien de CD. T'as aidé une personne, c'est mieux que tout, tu vois. L'humilité, voilà, qui fait plaisir. Le cœur ne ment pas, tiens. C'est ça, c'est un bon titre d'album celui-ci. Ouais, ouais. Franchement, le cœur ne ment pas quand. Recherché. J'ai un peu galéré à le trouver, mais c'est aussi l'atmosphère de l'album, c'est ça. Voilà, c'est justement. Toi, t'as quel recul là sur toutes les nouveautés, surtout toute la scène rap qui est actuellement. C'est vrai qu'on est passé par une grosse période trap. Ouais, grave. C'est un truc qui touche sur lequel tu pourrais rapper aussi. C'est des choses que t'as. Bah, moi, j'arrive pas à rapper sur de la trap musique. C'est trop lent pour moi. Mais le truc, c'est que après, je respecte. Il faut de tout. Tu sais, c'est des périodes qui changent. C'est des nouvelles générations. Donc, il en faut un peu pour tout le monde. Mais nous, on est encore là, les anciens. Faut pas les oublier. Vrai. Et on arrive aussi avec des morceaux très, très bien structurés, très bien faits. Donc, il en faut pour tout le monde, en fait. Il en faut pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y en a pour tout le monde. Moi, je trouve justement que cette palette rap, elle est assez large actuellement. Et exactement. Voilà. On peut très bien aussi écouter d'ailleurs du Niska comme du Kamel l'ancien. Voilà, comme, exactement. Comme tout ce qu'il y a actuellement. Exactement. En fait, il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent des titres un peu calmes à une période de leur vie. Après, ils vont avoir plus de morceaux festifs. Ils vont écouter des titres comme ça, en fait. En fait, il y a de tout en fait. Il en faut pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on met, Kamel, maintenant? On repart sur l'album qui est sorti? Ouais, franchement, j'aimerais bien repartir sur l'album et j'aimerais bien jouer le morceau KB United. Ouais. C'est un titre que j'ai fait avec les gars de ma ville, du Kremlin Bicêtre, et c'est un freestyle et ça rappe. Il y a du level. D'accord, donc tu suis toujours aussi dans ta ville ce qui se passe, t'écoutes juste. Ouais, grave. Au courant de ce que tu peux entendre. En plus, j'ai ouvert mon label, Lance Rocket Music. J'ai ouvert mon propre label et je pense qu'il y aura beaucoup de signatures du Kremlin Bicêtre à faire. Ah, ça y est, ensuite. J'ai fait mon label. Casquette de producteur? Je suis obligé. Casquette de producteur? Je peux plus rapper jusqu'à 50 ans. Ah, qui sait? Il y aura des dates d'ailleurs, tu vas aller aussi en concert là, sur défendre cet album. Ouais, on les attend là. On les attend. C'est incessamment sous peu, on sera au courant de toutes les dates qu'il y aura. Mais je pense qu'il y aura une grosse tournée cet hiver. Ouais. Kamel l'ancien. Ouais. Et un extrait de l'album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. KB United, dédicace à Chou, le club du Kremlin Bicêtre. Mon vieux, tu me reconnais? Et je rentre comme une balle dans le ventre. Quarterback du 9-4, même s'ils sont 30. Les jaloux ont du mouron à se faire. Comeback de celui qui glace l'atmosphère. Et yo, c'est lance, frère. Précis comme un lance-pierre. En direct de Gaza, je m'en tape de ce que t'en penses, frère. Engagé comme Frédéric Conadé. Dégagé, vous arrive quoi à nous mater? Connecté à la street, j'ai plus perpète. Le rap, je le haggard, je fais que des perfects. Fidèle à ma paire d'Asics, on représente le crème, la Roya, on débarque à 6. Pas loin de la A6 ou de la N7, ça rapport d'Italie. À droite, t'as le crème, la B7. C'est pour le KB United, pour mes ultras. Comme disent les mecs de chez moi, pour tous ces scars-là. C'est le KB United. 6 balles dans la tête, 6 balles dans la tête. Ton rappeur est dead. C'est le KB United. On vient du crème, la B7. Les rappeurs de ma ville sont venus couper des lettres. C'est le KB United. 6 balles dans la tête, 6 balles dans la tête. Ton rappeur est dead. KB United. On vient du crème, la B7. Les rappeurs de ma ville sont venus couper des têtes. J'ai la mémoire courte et elle est sélective. Depuis mes 17 ans, j'en ai fumé de spliff. Je suis un Kazaoui qui passe ses week-ends au riff. Chef Mohaskara, oui, c'est agressif. La famille faut l'alimenter. J'ai pas le droit de me lamenter. Y'a pas de rien, je vais sortir ganté. Les hommes courent après la monnaie. Leur fond de valet, ils connaissent. J'ai ta neuf et cœur est cané. Les mecs veulent jouer les dandies, à croire qu'ils sont des bandits. N'écoute pas les ondis. Mon équipe qui boit les sorties. Nous je prends les sorties et laisse place au rorti. Jamais en manque de phrases, demande leur je t'écrase. Ton missile au bras, quoi qu'il se passera. Mes frères auront gain que ça se donne ou ça se reprend l'amour. Mais ça s'arrose. C'est gros du texte, l'ami 9-4 Martinet, parisien, élevé à la dure. Tu vas saigner du nez, donc t'as connu l'équipe. WTM, Kamel lance sur une traque, ça fait clic. Désolé pour le vacarme, quoi. Même si t'as l'âme, quoi. Tu vas creuser vu comme Mike Boy, tu vas crever. Écartez-vous, crème la bicette, c'est Pierre Larbor. Au mic, même à 17, faut qu'on baisse la brode. Amateur de résine, d'hydroponique. Faut que les stars, les pros, les juges, boy et la tectonique, quoi. Tempérament, hooligan, c'est ma devise à cap. 13-12 pour les sutras, les grosses perquises. Nique les amis, que des ennemis ou des frères, je veux. La grosse valise, valide l'ami sous un ciel bleu. YKS jusqu'à la muerte. C'est gros du texte, boy. Tu me trouveras là où ça sent la verve. Ne sois pas trop étonné, si je kick le mic comme promis, tu reconnais. C'est même elle qui est trappe à Tony. J'ai pas de fun, tant pis. Pas sorti de scud depuis. J'ai rien qui dort à l'assassin, donc nique sa mère à Dobby. Si un MC bouge, joue les rebelles insoumis. Je lui ferai bouffer autant de quenelles que l'autre Beja Katsumi. L'Asie qui était love, je l'ai trompé, elle est vénère. C'est officiel, elle est cocu. Tu peux l'appeler Trier VLR. T'as des bêtes d'instru, ok, je vais toutes les faire. Playboy, oh Mike, appelle-moi You Gaffner. En studio, c'est la mêlée, mais nous on est au-dessus de tous. Pendant que chef est grotise, moi je recherche un peu d'eau douce. Putain, je perds à des balles dans la cabine, on croirait Damas. Peut-être que je me répète, mais j'ai la plume et le flow qui tabasse. Retiens mon blast, je suis l'attaquant qui va scorer. Petit banlieusard, je rêve du salaire à Bastoré. Et ouais, c'est You, gros, vas-y, check le mic. J'suis dans la street, tu connais Cos, la paire de Nike. Là, c'est une tentation, putain, que j'ai du mal à battre. Le chaos vient de la gauche et ça pas de manière maladroite. Qui nique leur madre et les masques tombent, j'm'isole. Ça mène à rien, la pression d'être sous camisole. On se casse de là sur un gros lever de compète, hein. Tu vas faire du sale à croire que l'histoire se répète, hein. Bitch, va te rhabiller, j'arrive pour t'oublier. C'est You, ma gueule, et ça t'es pas prêt de l'oublier. Et rien que ça, Jacques, franchement, ça c'est pathétique. De quoi tu parles, la maîtrise avant la pratique. Y'a de quoi paniquer, va les signes indiquer. De manière appliquée, faudrait vraiment s'impliquer. Bref, on va conclure, la concu se sent meurtrie. Du son en guise de sang, faites place au prochain rurtier. L'esprit ouvert, je m'adapte comme un polyglotte. Aux quatre coins du globe, sorti de ma grotte. La vie m'a expédié, tel un colis postal. Sur une estrade et non pas sur un piédestal. Un parcours détaillé sur un carnet de route. Écrit au fossile entre le béton et la soute. En tant que poète ou philosophe des temps modernes, je fais plus de bruit que les sirènes d'une caserne. Un auteur qui pour écrire devient un casanier. Ils ont dévasté les forêts pour me fournir tout le papier. Ma carrière s'est construite sur un champ de ruines. J'ai bâti des rêves au milieu des abîmes. De janvier à décembre, ils rêvent tous de me descendre. Cœur de cendre, mon âme n'est pas à vendre. Je reste moi-même, simple et authentique. Les mots de ma vie viennent charmer la musique. Y'a c'est le KV United. 6 balles dans la tête, 6 balles dans la tête. Ton rappeur est dead. Y'a c'est le KV United. On vient du gramme la bicette. Les rappeurs de ma ville sont venus couper des lettres. Y'a c'est le KV United. 6 balles dans la tête, 6 balles dans la tête. Ton rappeur est dead. Y'a c'est le KV United. On vient du gramme la bicette. Les rappeurs de ma ville sont venus couper des lettres. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Pour tous les grapplingers, pour tous les mecs du jujitsu, pour tous les boxeurs. Kamel lancé un black belt, ceinture noire, oui. Jujitsu. Kamel lancé. Tous les clubs de France. Yeah. Les rappeurs priment à croire qu'ils veulent se faire fumer comme Biggie. Allez droit au but, vos histoires sont trop ambiguës. C'est le retour du King, pro-rappeur, pro-fighter. Aucune de ces tapettes n'est montée sur le ring. Je les attends toujours, je suis chaud, je suis ami. Comme tous mes frères algérois, un ami. Pas assez d'arbé, alors je leur rentre dans l'art. Fais pleurer des dirhams et des dinars. En première ligne comme Khalid Ibn Walid. Prêt pour un duel, j'ai besoin juste que d'une ligne. 94, crame la bisette. Y'a qu'un seul ancien, y'a pas d'ancêtre. Tu n'as jamais existé, voilà pourquoi t'es frustré. Rap depuis des lustres, mais t'as jamais su t'incruster. T'as reconnu la voix aiguë du Marocos. Anti-Harcos, Bolos, pète et barre-moi les présentations. T'as reconnu la voix gousse. Kamel l'ancien, Kamel l'ancien. Comme d'hab, j'arrive à la rescousse. Kamel l'ancien, Kamel l'ancien. Yeah, les rebeux sont farhan ainsi que mes sisters. Kamel l'ancien, Kamel l'ancien. C'est Kamel l'ancien, tiki. Mister, Kamel l'ancien, Kamel l'ancien. Suis-moi sur Twitter ou bien sur Instagram. 1m85 et 85 kg. Ouais, je suis réglé comme un salafi. C'est quoi l'affaire? C'est la haisse, ouais, c'est ça la vie. Je te parle de ce que je vis, les mythos ne durent pas. T'écoutes mon son, tu parles tout seul dans ta turvoie. Pur album, pour ceux qui ont pris une double peine. Vas-y, d'où ma pure voix, c'est ça que t'aimes. Ouais, ma pure voix, dis-moi comment que c'est. Pour les frères de l'instinstru, je reviens boxer. Barre de traction, j'enchaîne les tips. Je mets la pression, je reviens comme un cataclysme. Coup d'épaule, bouge pas, tire à nulle part. C'est comme tout pour réussir, faut être un bâtard. Tu me vas en concert, me voir en chair ou en os. Faut payer, si possible, en chèque ou en or. T'as reconnu la voix à cause. Kamel l'ancien, Kamel l'ancien. Comme d'hab, j'arrive à la rescousse. Kamel l'ancien, Kamel l'ancien. Yeah, les rebeux sont Farhan ainsi que mes sisters. Kamel l'ancien, Kamel l'ancien. C'est Kamel l'ancien, Tiki, Mister. Kamel l'ancien, Kamel l'ancien. Combattant, j'ai peur de rien comme un chichène. Arbi Morlabi, je crois que j'ai ça dans les gènes. Comme Ronaldo, je te passerai pas mon maillot. Yo, on s'est détourné en yo-yo en centrale. Je donne de la force aux détenus. Nique sa race de mutard, le bâton et sa tenue. J'ai pas de copine, je me fais rare comme le Raluciano. J'arrive, je fais le job et ciao. Les jaloux, ça fait un bail qu'ils me poursuivent. Dis à tous ces Enox, si je rappe, c'est pour vivre. Tu fais pas le poids, tu peux pas m'affronter. 2015, c'est sur moi qu'il faudra compter. Le sac est le pas haut, ne rentre pas les coups, black belt. Ceinture noire, je m'en bats les couilles, black belt. Les challengers seront caca dessus. Et tremblement arrière, j'ai pas à moi les présentations. T'as reconnu la voix à gousse. Kamel l'ancien, Kamel l'ancien. Comme d'hab, j'arrive à la rescousse. Kamel l'ancien. Kamel l'ancien, les rebeux sont Farhan ainsi que mes sisters. Kamel l'ancien, Kamel l'ancien. C'est Kamel l'ancien, Tiki, Mister. Kamel l'ancien, Kamel l'ancien. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Kamel l'ancien. C'est que j'étais fini, tu vas te faire défigurer. Au sens propre comme au sens figuré. J'fais mon entrée dans la cage, surentraîné. Aucun arbitre ne pourra me freiner. Take down, grand on point. One one, j'vais honorer le one one. Retour aux sources, j'suis retourné dans ma première salle. À mes coéquipiers, j'ai promis de faire ça. Ils témoigneront de ce que je faisais. Je me suis présenté, y'avait personne à la peser. Genre pas d'une jungle, genre de Peshawar. L'atmosphère est glacée, mon regard pète le miroir. Lance roquette, gravé sur mon short, ouais. J'éclate les stades, ouais. Les stades et les chartes, ouais. C'est pour le star, ouais. Guantanamo, l'album est sorti, le rap arrête l'armo. La rage au beat, depuis le jour de ma naissance. 14-10-78, Kamel lance. Retour aux sources, je finirai premier de la course. Retour aux sources, je finirai premier de la course. La rage au beat, depuis le jour de ma naissance. 14-10-78, Kamel lance. Retour aux sources, je finirai premier de la course. Retour aux sources, je finirai premier de la course. Retour au bercail, retour à Biscay. Ma ville natale, ma ville radale. 94, retour aux origines. Vous avez assez mangé, retour au régime. C'est à mon tour de briller, à mon tour de crailler. À vos tours de cailler, à vos tours de brailler. Retour à Oujda, je retourne à la source. Retour à la base pour finir premier de la course. Retour en arrière, retour rapide. Pour mieux les sauter, ta carrière plonge dans le vide. Retour à la baraque, retour dans le 9-4. Retour à la baraka, chez Walid et Walida. Retour en bas des tours, là où tout a commencé. Là où tout finira, le point final du rap français. Je te prends en guillotine, je lâche pas même si tu tapes trois fois. Arrêt cardiaque, lance, puissance te fera froid. La rage au bureau, depuis le jour de ma naissance. 14-10-78, Kamel lance. Retour aux sources, je finirai premier de la course. Retour aux sources, je finirai premier de la course. La rage au beat, depuis le jour de ma naissance. 14-10-78, Kamel lance. Retour aux sources, je finirai premier de la course. Retour aux sources, je finirai premier de la course. Et de la course. Je finirai premier de la course. Kamel l'ancien. sur la Zig 5 94. Kamel l'Ancien au contrôle de la Nocturne ce soir, avec ce morceau Retour aux Sources. Ouais, Retour aux Sources. Ça, c'est un titre qu'on retrouve sur le dernier projet là qui est sorti aujourd'hui de Kamel l'Ancien. Ouais, en fait, l'album déjà il devait s'appeler Retour aux Sources. Ouais, je me disais, ça fait aussi bon titre d'album, Retour aux Sources. Puis après, j'ai dit, je vais le mettre sur l'album. Et comme c'est un titre que j'ai envie de clipper aussi, on va voir. Et puis finalement, c'est devenu Le cœur ne ment pas. Le cœur ne ment pas. Parce que ça parle à beaucoup de monde, c'est aussi l'état d'esprit que j'avais quand j'écrivais l'album. Tu vois, j'ai fait quand même des thèmes assez, assez difficiles, comme, comme des morceaux d'amour, comme des, tu vois, des trucs comme ça, c'est pas facile, tu vois. C'est dur à écrire ça justement, c'est des morceaux les plus compliqués à écrire. En fait, moi j'ai pas trop galéré à l'écrire, mais c'est galère à le valider, quoi, à le laisser sa place dans l'album. Mais l'écrire, non, ça a été vite parce que j'ai vécu des choses Quand t'as un certain vécu, tu écris vite. Mais par contre, pour le sortir, c'est pas facile, tu vois. T'as encore ce syndrome qu'ont beaucoup d'artistes d'ailleurs, de la page blanche, de te retrouver parfois devant une feuille en disant ah oui. Mais moi, je fais pas comme les gens. Je me suis rarement trouvé devant une feuille blanche parce que dès que j'arrive pas à écrire, tu laisses de côté. Je le sens direct, ouais, je laisse de côté. D'accord. J'écoute pas d'instru, j'écoute rien. J'essaie de vivre des choses en dehors de la musique. Et après ça revient et après je repars à l'écriture. Voilà, et puis on le disait tout à l'heure, donc t'as ouvert ta prod, hein, ça y est. Ouais, il y aura des sorties quoi, plus pour 2016. Je pense le premier artiste, j'aimerais bien le sortir pour fin 2016. C'est pas encore. Hein. Parce qu'il faut se structurer, c'est du travail. Je pense aussi que toi, en tant que producteur, t'as une double pression parce que les gens t'attendent, ils vont se dire quel artiste va sortir. Donc je prends vraiment mon temps, j'observe. Bon, 2016 donc. 2016. En attendant, là, il y a l'album de Kamel l'Ancien. Ouais. Cet album, Le cœur ne ment pas, qu'on découvre, que vous pouvez télécharger légalement aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On repart sur une session classique? On repart sur un morceau de l'album? Vas-y, on va reprendre. Ouais, j'ai un petit TTO en réserve qui est là. Ouais, super. Non? Super, ouais. TTO aussi, Tiki Flow, je pense. Alors, TTO, le souvenir de TTO, là, le premier truc qui te vient en tête quand on parle de TTO? TTO, quand j'ai reçu la prod. Pareil. Pareil, toujours. Et aussi, je ne savais pas qui mettre au refrain, en fait. Et j'ai pensé à Django Jack quand, en fait, à chaque fois que j'écoutais la mélodie du refrain, je pensais à un chanteur, mais j'avais oublié son nom, tu vois. Et c'était Django Jack. C'est Django, ouais. Et après, je disais à mes potes, c'est le mec là qui rappait avec les gars du 9-1, Olkari, Freddy, tout ça. Ouais, c'est Django Jack. C'est lui qu'il me faut pour le refrain. Factor X. Ouais, grave. Moi, j'étais vraiment fan de ces types-là, tu vois. C'était mon époque en plus. Ouais, puis ce mélange de chant, de rap et tout. Ouais, grave. Et je savais que ça allait le faire sur ce titre. Et après, c'est devenu un classique de rap français. Kamel l'Ancien, ça commence comme ça. T'étais où? Une grosse, grosse dédicace à Lou Veldon. Kojo. T'étais où? Yeah. T'étais où? Quand j'étais en haine, quand j'étais seul à la thèse, à me débattre de la tristesse. T'étais où? Quand j'avais pas de thune, ouais. T'étais où? Quand j'avais des lacunes pour écrire mes textes. T'étais où? Quand j'avais pas d'aime, pas d'inspiration, inondé par les problèmes. T'étais où? Quand je trouvais pas le sommeil, quand dans ma vie y'avait même pas un brin de soleil. T'étais où? Quand tout le monde me fermait les bras, quand personne croyait en moi. Je compte sur personne. lâcher l'affaire. N'écoute pas les lâches qui veulent te la faire. Crois en ce que tu fais et tu réussiras. N'abandonne pas, non, tu n'as pas le droit. Fais le tour, toi, calcule pas les gens. Le talent ne s'achète pas, le don vaut mieux que l'argent. C'est juste une question de mental. Faut en vouloir dans cette vie de chacal. Faut souffrir pour savourer la réussite. Va jusqu'au bout, faut pas que t'hésites. Personne me ramène le pain sur ma planche. Personne me remplit ma feuille blanche. Personne m'a pris par la main pour me guider. J'étais seul avec mes ambitions, mon stylo et mes idées. Tout ce qui m'arrive est mérité, frère. J'ai taffé dur, trop dur. Kamel l'ancien, le cœur ne ment pas dans les bacs. C'est un gros album, sincère, pas de mytho. On s'invente pas de vie, mon frère. Toujours la sincérité. Kamel l'ancien, mon frère, le cœur ne ment pas. Musicast, on est là, mon pote. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Donc y'a pas de drap. T'as reconnu le cri de guerre, lève ton bras. Je t'attends avec un sabre sur ton drap. Mets-toi au courant, cousin, j'ai la dalle, moi. Nique les Américains et les Danois. Moi je suis fier de représenter la France. De l'île en passant par Aix-en-Provence. Le hip-hop, je suis venu prendre ses patins. Ils sont trop fun que je rappe pour leur patin. Les jaloux se tiennent la tête en criant putain. Dans ce milieu royal j'en connais plus d'un. Le rap m'a montré du doigt, m'a dit c'est toi qui va parler de moi, maintenant c'est lui qui parle de moi. Il m'insulte, chien normal, je suis un pitbull. Depuis mon arrivée j'fais mal comme un fistule. C'est Mister Tiki, Mister Tiki Blé. Va voir ta meuf qu'elle te prenne dans ses bras. C'est Mister Tiki, Mister Tiki Blé. Va voir ton mec qu'il te prenne dans ses bras. C'est Mister Tiki, Mister Tiki Blé. Va voir ta meuf qu'elle te prenne dans ses bras. C'est Mister Tiki, Mister Tiki Bra. Va voir ton mec qu'il te prenne dans ses bras. Tiki. Les Vimkiens qui a fait le son, Dr. Dre. Tiki. Tellement qu'ils sont cons, ils vont dire que c'est vrai. Tiki. Laisse-moi rigoler, le rap c'est plein de cocottes. C'est plein de chiffres molles, c'est plein de guignols. Tiki. Moi je suis un mec d'Assa, crève. J'ai la tête de Turc, j'écris à Galatasaray. Tiki. Ils parlent d'armes, mais y'a la plein qui tire. Y'a pas tant que c'est bon rap, ils savent que mentir. Ils pleuvent que les petits, hein, qu'il est facile. Tiki. Mettre une disquette, un petit bouffon, c'est trop facile. Tiki. Tellement rare que tous mes morceaux, on peut les clipper. Le rap français, je suis venu le sweeper. Tiki. Faites un cercle et foutez, je peux les refaire. Tiki. C'est Kamel l'ancien, le style que vous préférez. Tiki. Embrasse ta famille de ma part, cousin. Tiki. Moi je vous aime tous, ok, c'est Kamel l'ancien. C'est Mister Tiki, Mister Tiki Blé. Va voir ta meuf qu'elle te prenne dans ses bras. C'est Mister Tiki, Mister Tiki Bra. Va voir ton mec qu'il te prenne dans ses bras. C'est Mister Tiki, Mister Tiki Bra. Va voir ta meuf qu'elle te prenne dans ses bras. C'est Mister Tiki, Mister Tiki Bra. Va voir ton mec qu'il te prenne dans ses bras. Tout le monde ouvert. Tiki. Tout le monde ouvert. Tiki. C'est Mister Tiki, Mister Tiki Bra. Le cœur ne ment pas. Dans les bagues depuis ce matin. Mister Tiki Bra. Va voir ta mère qu'elle te prenne dans ses bras. C'est Mister Tiki Bra. Va voir ta mère qu'elle te prenne dans ses bras. Kamel Lance, yeah. Lance Rocket Music, Escal Musicast. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Sixième sens. Dédicace à Patch, Patchouné, la famille. Dédicace à Hadji de Marseille, son frère Malik. Dédicace à tous les frères qui nous ont quittés. La mort est le meilleur rappel. Profitez de vos proches. Écoute bien les paroles. Ouais. J'ai perdu mon ami. Depuis que t'es plus là, c'est plus pareil. C'est plus la même, je ne suis plus le même. Mon visage a pris un coup de vieux. Mon cœur a pris un coup de feu. Tu manques, on peut lire dans mes yeux. Je réponds tout va bien, toujours en souriant. Mais en fait j'enfile un masque pour cacher ce sentiment. J'ai plus à qui confier, je me noie dans les souvenirs. Je regarde nos photos et je pleure devant ton sourire. C'est tout ce qui me reste, j'essaye de passer le temps. Impossible de tourner cette page et pourtant ça fait longtemps. J'observe le ciel en espérant te voir un jour. Mon pote tu me manques et je t'aimerai pour toujours. T'étais toujours là, j'avais pas besoin d'appeler. Tu ressentais quand j'allais pas bien, tu me réconfortais. Tu prenais ma défense même quand j'étais en tort. T'étais mon confident, t'étais un mec en or. Je repense à mes soirées, tu te contentais de peu. Tu nous faisais délirer, tu trouvais toujours un jeu. Pourtant chez toi on voyait bien que c'était pas la joie. Mais tu t'en foutais, tu gardais toujours la foi. La joie de vivre, tous les jours tu m'impressionnais. Avec rien, tu faisais tout, tu nous donnais. J'observe le ciel en espérant te voir un jour. Mon pote tu me manques et je t'aimerai pour toujours. Les gens parlent de toi comme si t'étais encore en vie. Personne te remplacera. T'as laissé un à tous nos morts. Je te prie cher pour ta présence, ta compagnie. Tous les décès. Mon cœur saigne, le regard voit les yeux unis. Les gens parlent de toi comme si t'étais encore en vie. Comme elle l'ancien. Dans les bacs, le cœur ne ment pas. Que des morceaux sincères. Mon cœur saigne, le regard voit les yeux unis. On pleure nos morts, on devrait pleurer plutôt pour nous. Une vie de zombie, on se calcule même plus entre nous. Entre frères du même sang, y'a physiquement qu'on se ressemble. Le diable nous désunit jamais, on se rassemble. À part aux enterrements, et encore. J'ai vu des mecs qui se parlaient pas porter le même corps. Je hais cette fierté, mal placée. On hésite à faire le premier pas, on trouve ça déplacé. Mauvais comportement, l'orgueil nous a mis tous d'accord. Faut pas regretter, approche une fois qu'il est mort. On se rend compte d'un bien une fois qu'on ne possède plus. Mauvais souvenir, nous en on pleure, on ne s'arrête plus. Le cœur noir, on a égaré notre innocence. Cette innocence qu'on avait tous à la naissance. Nos sentiments en convalescence. Est-ce qu'on devrait voir les morts pour développer son sixième sens? Si tu parles mal à ta mère, sur le champ, embrasse-la sur le front, car tu resteras toujours son enfant. Tu parles mal à ta sœur, prends-la dans tes bras. Donne-lui plus de respect que tu donnes à toutes ses bras. Les gens parlent de toi comme si t'étais encore en vie. Personne te remplacera, t'as laissé un vide. Je donne les chers pour ta présence, ta compagnie. Mon cœur saigne, le regard voit les yeux humides. Les gens parlent de toi comme si t'étais encore en vie. Personne te remplacera, t'as laissé un vide. Je donne les chers pour ta présence, ta compagnie. Mon cœur saigne, le regard voit les yeux humides. Dédicace à Hadji, Malik, Marseille. Dédicace à Patch. Dédicace Kamel Atcherif, Lai Rahmon. Tous les frères de mon quartier qui nous ont quittés. Profite de ta famille, de tes frères et sœurs avant qu'il soit trop tard. L'album dans les bacs, le cœur ne ment pas. Le cœur ne ment pas avec ce morceau donc qui s'appelle Sixième Sens. Un morceau lourd hein, celui-ci hein. Merci Fred, c'est gentil. Ouais, il fait un peu des frissons. Ouais, exactement. Ouais, c'est un morceau un peu triste. Voilà, je parle de certains amis que j'ai perdus. Et c'est aussi un morceau qui... voilà, tu vois, maintenant, la mort, elle est devenue banale dans les quartiers. Mmh. Les gens, ils se tirent dessus. C'est triste. Il y a beaucoup de gens qui perdent des proches. Voilà, c'est un constat. C'est un constat amer. Mais il faut des morceaux comme ça. Voilà. Il faut des morceaux comme en ça. En espérant que ça aille mieux. Il y aura le clip aussi qui arrive. Et le clip aussi? Ouais, ouais. Très on va bien, bientôt hein. le faire. Donc il y a d'autres images qui vont arriver. Merci d'avoir été avec nous pendant une heure, Kamel. Bah c'est toi, merci Fred. C'est comme toujours d'hab. Un plaisir ouais, de passer un moment avec toi. Ça se voit en plus qu'on n'a rien préparé. C'est feeling, c'est. C'est fait avec le cœur. Voilà, exactement. Le cœur ne ment pas. Et le cœur ne ment pas. C'est dans les bacs en tout cas depuis aujourd'hui. Si vous avez kiffé, voilà. Allez télécharger dès maintenant. Hein. Ou alors sinon, comme tu disais, si vous aimez l'objet, peut-être que vous retrouverez en photo. Ouais, si grave. Vous avez envoyé votre photo à Kamel, voilà, il en a voilà. Compilé plein, il les a mis dans le livret. Ça c'est pour ceux qui iront acheter l'album physiquement demain. Exactly. Ou dans les jours qui viennent. Merci Kamel, un petit merci dernier mot. Toi. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, on peut te suivre. Ouais, sur la page. Là, il y a le clip qui est sorti tout à l'heure à 18h30. Donc ils peuvent nous suivre sur la page Facebook Kamel Lance, sur le Twitter, sur Instagram Kamel Lance 94, sur dès qu'ils tapent Kamel Lance sur Google, on est partout. On trouve. Voilà. Merci en tout cas pour ce début de soirée. Merci dans la nocturne. Toi, c'est gentil. Kamel l'Ancien dans les bacs et la nocturne qui continue. Ne ment pas dans les bacs. Tiki bra. Merci à Fred. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. Allez, c'est reparti pour le son de la nocturne. 100% rap français. Avec celui qui débarque dès lundi 20-21, Niska, extrait de son projet Charo Life. Voici Ochoa dans la nocturne. La jalousie, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Crois-moi, je te l'assure. Corrosif. Hey. Les médias vont me censurer. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. Fuck. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Les jaloux me jugent, veulent savoir ce que je fais dans la tête. J'ai compris, j'ai plus le temps pour les paires de fesses. L'Afrique est en pleurs, y'a mon plat qui m'appelle. Brazzaville, toi tu penses que ici ça bibi juste pour se vanter. Hey. On n'est pas gangster, nous charognards. Qui veut te planter, qui veut te plomber. Hey. Ça vit tous les jours. Bibi tous les jours. Oh. Les mecs d'un côté font les fous. Oh. Sont-ils jaloux qu'il y ait un four? Bang bang bang. Mais où sont les vierges? Que des sagittaires. Que des sagittaires. NF, négro, Martin Luther. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Commencez à prier au cas où ça va tirer. Pour mes charrons et croués, partie des pépillères. Quand je dors la nuit, second couplet, je découpe. Yeah, yeah. Tu veux le B9, tu la coupes. Yeah, yeah. Nico, tu payes si tu touches. Yeah, ma bouche est ma meilleure cartouche. Des kilos de pilon, des kilos de Z là. Rinka aurait dû jeter par la fenêtre. Oh. Si tu veux percer, le monsieur m'a dit. Corrosifu, ne fais pas la quenelle. J'encule le peuple, le monde entier. Mon meilleur ami, c'est mon banquier. Moteur allemand sous l'avant-pied. J'vais investir dans la repierre. J'fume ma Audi couche. Contre mes liasses, pendant ça, Griselda dans la douche. Maman n'a pas le bac de lecture, pourtant elle sait lire les factures. Je remercie le ciel encore, il reste des bons hommes comme Gradure. Mais où sont les vrais? Deux équipes encore. Si je pèse le million, la cantine en banque. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend. Aujourd'hui je prends le large. Je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Le jour y passe et je vois les lâches. Rendez-vous lundi et toute la semaine 20-21 avec Niska. Charo Life, ça sort le 2 octobre. La nocturne 100% rap français avec les gars qui font le buzz, hein. Gros clip, gros son PNL maintenant. 100% rap français. Planète La Nocturne. C'est La Nocturne. Dans ta rue, PNL sur Skyrock. Baiser dans la ville, c'est fils de pute, j'en mets la fessée. Et c'est voilà, mission de le plus foncé, encaissé. Demande pas un fit, on en fait pas, viens pas te baisser. Bien sûr, c'est Panama, alors tous les jours on est pressé. Si on remplit le frigo, on remercie le bout de ta gaga. Sois le meilleur dans le crime ou à l'école, c'est ce qu'a dit Baba. Ego, c'est QLF, ceux qui connaissent sont chantés la la. La la, la la. Et si on sort la niaque, c'est puis on prend un polter. Je repense à l'époque, mon sorbet et ma pulter. Mais bon, c'est la vie, j'espère qu'en charte t'as su taire. Tu veux être ma bitch, t'as un gros poule, c'est super. Ouais, l'ami, j'ai pas de respect, pas pourquoi t'avales. Trêve de pas les faire, c'est un démo en aval. Je sors un cochon et puis je le pète dans la savane. C'est qu'on fond la queue, mais moi je pique grave la banane. T'es pas content, reste dans ton camp. Nous on charbonne pendant que toi tu tapes du bon temps. Je suis à fond de temps, t'inquiète mon gland. Et préparé pour leur foutre depuis longtemps. Alors essaie pas de tester la putain ta grand-mère. Tu joues un rôle, nous pas du tout, on t'attaque en mer. La juge m'a arrosé, j'ai poussé, grandi sans mer. J'ai saigné, mais les anges m'ont dit faut pas s'en faire. J'suis pas Madame Soleil, l'avenir est tard. Higo les miens, enfin j't'ai pas des bras. T'es mal et gros, ici on est trop. À se tirer dessus depuis des temps. J'suis dans ta ville, j'suis dans ta rue. En bas, c'est Z, j'souris à l'envers. J'suis dans ta ville, j'suis dans ta rue. J'm'en bats les steaks, ma bite va leur plaire. Ié, ié, ié, ié, roulé. Ié, ié, ié, ié, joue le tech, joue la folle. Ié, ié, ié, ié, ié, je veux tester. Ié, ié, ié, ié, ié, non lol. T'as cru quoi? Rien n'a changé la putain de ta mère. T'as cru quoi? T'as cru quoi? J'taille des 200 jets que ce qu'on j'fais en salaire. J'suis quand même en pas. J'ramène la peuf, la rétine du yan-yan toujours sincère. Surtout t'inquiète pas. Malade sous calmant dans quelques milliers de on m'opère. J'me sens bizarre comme quand j'goûte à la vie. Comme quand j'ai pas d'ennemis dans la ville. Moi j'connais pas argent facile. On a rien construit depuis le premier kill. Pas d'amis j'ai gratté même pour un million de louvets. Ces milliers de billets devant nous ont même pas sauvé. Demain j'arrête pas cet enjeu. J'suis pistonnier là dans le congé. Y'a rien d'intégrant en bas. On t'oublie pas, on te remplace. Que la famille, que la famille, que la famille, que la famille. J'recompte bénéf dans la classe. Que la famille, que la famille, que la famille, que la famille. 6h01, j'tire la chasse. J'ai pas le temps, j'ai du terre de la verte. J'ai fait un choix sous bœuf, c'est la merde. Pas de vacances pour l'âme, il s'avère. J'ai la haine, j'prends chemin de travers. On sort faire du bif quand on a mal. Dernier charbon sous cagoule tympane. J'espère ne pas partir les mains sales. Elle pense pas à moi quand elle avale. Tu connais abonné, tu connais abonné. J'ai vu ses billets français consommer les âmes par milliers, briser les cœurs. Que la monnaie. Parce que c'est plus de vie, m'a déçu comme j'étais sur mon carter. J'suis dans ta ville, j'suis dans ta rue. En bas, c'est Z, j'souris à l'envers. J'suis dans ta ville, j'suis dans ta rue. J'm'en bats les steaks, ma bite va leur plaire. Ié, ié, ié, ié, roulé. Ié, ié, ié, ié, joue le tuck, joue la folle. Dans les bacs. Je suis dans 100% explicit lyrics. Planète Rap. Caris. J'fais des lem lem lem lem, t'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem, t'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. Clic, semi-auto, haché du liquide amniotique, devenu automatique dans le cathmatique. Sorti de l'école de la République, des larves, poussi. Parle pas ou bien parlons nous chi. Plus d'armée de soucis, mon seul problème désormais est de choisir entre le caviar et les sushis. Je m'allume ma grosse part, elle a vu ma grosse part. Elle fait le grand écart, j'ai de la mouille dans la beubare. Contrôle de police, ma guide, il me reconnaît, me demande une photo pour son fils. Il me laisse repartir dans une gova pétard dans la boîte à gants. Mon pétard sous le siège, un gomme-gomme. Demi-tour en marchant, mon chewing-gum, gomme-gomme. On va plus leur faire de crédit, on fait plus la guerre entre eux. Je crois bien que tout est dit. J'sors mon arme, j'amani, j'porte un jean Armani avec une paire de Bouzemi. Leur faire du le ça, on pourrait. J'suis dans mon rose beau bois, j'allume la LED juste pour voir ta raie en blu-ray. J'fais des lem lem lem lem, t'as le sum sum sum sum. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem, t'as le sum sum sum sum. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. Sors pas ta caisse, c'est le drive, dis-nous vite, tu prends quoi? Les bibisseurs bloquent l'ascenseur devant toi. J'bouge pas, j'me pose dans le hall en été ou dans le froid. J'attends les polos, t'attends ton conseiller au pôle emploi. Lunettes, casquettes, fuck toi et ton képi. Quatre grosses baltringues dans une Ford Mégral, font képi. Fais bien la fête, n'oublie surtout pas que t'es mon petit. M'invite pas à ce qu'ils sortent, mon canon c'est pas des confettis. Ils ont vu mon casse-rayer, ils ont cru à l'accident, c'est juste qu'elle suce avec les dents. Posé comme un bâtiment, je ne fais plus de sentiments, je crache dans tous les compartiments. Kandahar, Kandahar, Gandora, Gandora, double calache et Hondora. Produit dans la planque, cracker sans manque, je suis dans le tank, c'est pas un prank. J'fais des lem lem lem lem, t'as le sum sum sum sum. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem, t'as le sum sum sum sum. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem, t'as le sum sum sum sum. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem, t'as le sum sum sum sum. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Je n'ai qu'un seul gang. T.U.C. Je n'ai qu'un seul gang. 9 à 2 I. Fuck le young, fuck le ying. T'es pas dans cuisine, t'es pas dans les gangs. Tu nais dans les grands vins, t'es mort dans les villes. Défiez-le du karma, nu on est vite. Blanc dans les vitres, à la barre on est 8. Kilos de shit, Audi A8. Des petites fuites, des délits de fuite. Tu dors dans nos hôtels, t'as la petite suite. J'aime ni le grand flic, ni la petite suite. 10 ans en centrale, ça passera vite. 10 ans en centrale, ça passera vite. T'as inventé la pute, tu me suces la bite. J'ai mal de gorille, tu vas te manger la chute. Je veux que la pauvre et je veux que la riche. Si tu cherches les chèques, tu demandes à ta riche. AK-47 dans ma boîte à malice. J'm'en bats les couilles, tous ces mahlis. Avant de manger tes morts, tu vas te manger la vitre. Noir et la liste, noir et l'artiste. Je viens de passer la Suisse, je viens de passer la 6. DUC, je confirme, on a touché la cible. DUC, je confirme, on a touché la cible. Je les enculé, les enculé, ainsi de suite. T'es pas sur aucun LM, il faut changer de site. Éclat de métal dans fibre optique. Mes compatriotes ont un patriotique. Quelques likes, tout est antibionique. Je veux dire que tu arrêtes les antibiotiques. Le AR n'a qu'à faire de l'acoustique. Début de carrière dans l'arrière-boutique. Silicone n'est pas besoin de sous-titres. Je les vois agoniser, pas besoin de sous-titres. 9 mm car c'est préconisé. Counter, Kinte, terrorisé. Le rap français qu'un l'audiroisé. Pillard, son bar, Claudia, son pédroisé. Sol, négro, je vais te coloniser. T'as zéro swag, zéro, on va te holomiter. Première dose gratos. Le bolos est fidélisé. 14 locos, un porto dos, Arténarme aussi, ça m'y connaisse. Sur ma table, y'a une pute qui danse debout. Y'a ma paire de couronnes. La prochaine fois que tu veux me faire sous le head, sous l'envoi de voyous qui s'y connaissent. Cherche pas les clés de mon cœur, j'ai que les clés de la lambeau. J'suis Aquila Argo, niquer des mères, c'est le scénario. Niquer des mères, c'est le scénario. Niquer des mères, c'est le scénario. Diamant se plate dans l'enquête, content de voir qu'on maldive. Attila mon ancêtre, AK-47 fait toujours la dive. Diamant se plate dans l'enquête, content de voir qu'on maldive. Attila mon ancêtre, AK-47 fait toujours la dive. Attila mon ancêtre. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Dur cette gecko. Saint-Ouen au ton copain, alors calme ta wash. On est plein comme les Chindawas. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Le rap a transformé les mecs de tête en bourgeoise. On fait espèce et on plonge dans des plages couleur turquoise. Qui paye ses ardoises, s'enrichit, fait du nettoyage. Y'a des traîtres ici, Versace, Versace, la méduse de pétrifie. Elle s'asphyxie, quoi, lorsque j'appuie sa tête. Elle a eu les yeux plus gros que la schneck, comme Anissa Kate. On attend qu'une chose, qu'à Paris ça pète. Flic contre Kera, Kera qui tire aux roquettes. S'il était légal de tuer, beaucoup ne seraient plus sur la planète. Le string du rap est tendu comme une arbalète. J'suis venu jouer de la harpe avec. Je te plante avec le pic de la fourchette. Et j'insulte ta mère comme Gilles de la Tourette. J'mets des baffes d'Obélix, les pétasses m'obéissent. Au doigt et à l'œil comme fusil à lunettes. Lamborghini, taille réelle, pas majorette. Amende majorée, l'État nous raquette. Pendant que le net a fait pousser des couilles aux tapettes. J'suis carnassier, les couilles en or, j'ai le cœur en acier. Mes punchlines tombent du ciel, j'ai plus qu'à ramasser. Si tu veux pécho, tu sais où aller. Nos bécanes sont pas musulmanes, mais pourtant elles ont l'air voilées. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. On charbonne comme les Chintawas. On charbonne comme les Chintawas. On charbonne comme les Chintawas. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. On charbonne comme les Chintawas. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Je fais le témoignage, témoignage, témoignage. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. La peu épongue, t'es pas de moi un wash. J'accélère et galère les veugues sur l'asphalte. Ils m'attraperont pas ces fils de lâche. Oui, j'roule joint au bec. Sur leur un tel comme pas épec. Aucun de ces bâtards ne peut me la mettre. Et la K47 traverse même les pecs. Traverse même les pecs. Le bloc dans la bouche et la bite dans la schneck. Si mon arme te check, la mort te guette. Chegue, squat, charbonne dans ta poche en pire que les Chintawas. Laisse-moi rentrer dans ta douche, que j'y fasse du nettoyage. Et j'frappe comme Tyson dans son fion, Tina Turner, Bobby Brown. J'l'attrape par le chignon comme un poisson dans l'eau. Faut que j'y aille au fond. On charbonne matin, midi, soir pour la maille. Voir mes darons tués comme des esclaves pour des salaires de merde, ça fait mal. Papa veut se barrer au bled. Maman veut voir le bébé sortir de la schneck. Le buzz et les soucis, le pouvoir, le succès. Les salopes veulent sucer le buzz qui me reste. Le chéquier est trop haut pour calculer tous ces négros. J'suis sur soi, mettre les fresques. Et l'index fait des guili-guili sur mon pharmace mini. Ça fait stéré. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. On charbonne comme les Chintawas. On charbonne comme les Chintawas. On charbonne comme les Chintawas. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. On charbonne comme les Chintawas. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Je veux le témoignage, témoignage, témoignage. Je suis pas ton pote alors calme ta wash. Calme ta wash. Planète Rap 100% explicit lyrics. SCH dans la nocturne 100% rap français. Le projet arrive, c'est la vie. En attendant, A7, c'est ce qu'on va écouter maintenant, et le projet 13 novembre dans les bacs. SCH, la nocturne 100% rap français. Balancez des messages aussi avec le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Ils ont la calvitie. J'anime mon vie faire. Vite ils sont questionnés. Ils sont grattés la tête aujourd'hui. Kilo de coq, story shot. Quand t'es obscur, souris chauffe. Notre baraque, notre piscine, chérie, je la veux. Bébé, aime-moi encore, je vais crever jeune. Marafax, street corse aborigène. Je pétave, j'écharge, roule des fumigènes. Ah, paie-moi ma drogue. De mauvaises idées naissent, je sais qu'au fond, je les gêne. Ces enculés auront plus ma santé pour mille deux. Je redoute plus la fin de mon chargeur que la fin du sample. Tournez vos vestes, j'ai des ronds, mon gong est solide. Maman redoute plus la fin du mois que la fin du monde. Donc je fais les choses bêtes. Je suis un rappeur des chichas. Je me montre exigeant. Faut que je leur crache au visage. Éventrer la bonbonne. Faites entrer les grosses sommages dans nos villas, nos gamins, c'est mon, nos femmes nourrissons nos grosses. Et là je dirais putain c'est ça la vie. Oh oui. Oubliez mes ennemis, la police, les stories, la folie. Putain c'est ça la vie. Oh oui. Oubliez mes ennemis, la police, les stories, la folie. J'ai ni mon vu faire. Vite ils sont questionnés. Ils sont grattés la tête aujourd'hui, ils ont la calvitie. J'ai mon vie faire. Vite ils sont questionnés. Ils sont grattés la tête aujourd'hui. Je ressens vos angoisses car ton projet coule à cause du mien. Pédéraste, je suis un putain d'iceberg et c'est pas ma faute. J'humais, la faute à 2015, la faute aux autres. Moi ma meilleure punchline, je serai caroulé. Je dirais t'as 2 minutes avant les poulets. C'est cela, je t'ai écoulé. Rap c'est la rigolade, on s'y connaît. Donc ces enculés auront plus de ma pitié, je te le jure. T'es dans le faux, tu crois que nos douleurs se ressemblent. Tournez vos vestes, j'ai des ronds, mon gang est solide. Maman redoute plus la fin du mois que la fin du monde. Donc je fais les choses plaides. Je suis un rappeur des chichas. Je me montre exigeant. Faut que je leur crache au visage. Éventrer la bonbonne. Faites entrer les grosses sommes, marche dans nos villas, nos gamins, c'est mon, nos femmes nourrissons nos grosses. Et là je dirais putain c'est ça la vie. Oh oui. Oubliez mes ennemis, la police, les stories, la folie. Putain c'est ça la vie. Oh oui. Oubliez mes ennemis, la police, les stories, la folie. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Sur le terrain, mais demain dans ta chatte. Je veux vivre comme un pacha, ne plus calculer mon pouvoir d'achat. En ce moment c'est la crise, pas un pour en faire deux. J'ai posé toutes mes forces dans le rap, ça sera difficile de faire mieux. Je représentais trop bien les rayons du 8-3. Aujourd'hui je refais, ça m'écoute jusqu'à Olney sous bois. Le daron me répétait travaille à l'école, ne fume pas. J'ai grandi, j'ai fait tout le contraire, c'est rien, je le regrette pas. Rien que tu chantes, rien que tu chantes, rien que tu chantes. Tu ne fais que parler, tu ne fais rien de bien méchant. Ça fait 3 jours que je suis dans le stud. Fumer, fumer, fumer. Arrêtez pourquoi, c'est pas ça, mais la rue qui nous a tués. Tués, tués. Maman dort, petite sœur, il ne faut pas s'en faire. Tu parano, l'impression que je vais me faire buter par un autre. Maman dort, petite sœur, il ne faut pas s'en faire. Tu parano, l'impression que je vais me faire buter par un autre. Je suis parano. Parano, maman, je suis parano. ne faut pas s'en faire. J'suis parano, l'impression que je vais me faire buter par un autre. La routine m'a bousillé le crâne. J'gratte un mur, j'rajoute du doliprane. Tous les jours sur le même terrain. Habit grave, c'est putain de grammes. Maman, regarde ce que ton fils est devenu. J'pense à elle, elle m'a dit à plus. Jamais je ne l'ai revu. Issu de la troisième génération. Mais le son à fond. Et dire que ça devient mon job. À la base, ce n'était qu'une passion. Te rends pas folle, t'es mon plan cul, t'es mon passe-temps. Écrivain d'un nouvel génie, comme Tupac et guide mon passant. Petit frère, repose-toi bien les keufs, t'as pas 6 heures du mat. Petite sœur, fais bien attention, ces garçons te veulent du mal. Petit frère, repose-toi bien les keufs, t'as pas 6 heures du mat. Petite sœur, fais bien attention, ces garçons te veulent du mal. Maman dort, petite sœur, il ne faut pas s'en faire. J'suis parano, l'impression que je vais me faire buter par un autre. Maman dort, petite sœur, il ne faut pas s'en faire. J'suis parano, l'impression que je vais me faire buter par un autre. J'suis parano, parano. Maman, j'suis parano. Maman dort, petite sœur, il ne faut pas s'en faire. J'suis parano, l'impression que je vais me faire buter par un autre. Maman dort, petite sœur, il ne faut pas s'en faire. J'suis parano, l'impression que je vais me faire buter par un autre. Maman dort, petite sœur, il ne faut pas s'en faire. J'suis parano, l'impression que je vais me faire buter par un autre. J'suis parano, parano. Maman, j'suis parano. Maman dort, petite sœur, il ne faut pas s'en faire. J'suis parano, l'impression que je vais me faire buter par un autre. Dans la nocturne. Sortie du projet de Ous depuis aujourd'hui dans les bacs. Maman dort à l'instant. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Alonso, c'est aussi dans les bacs. Avec Jul. J'ai zoné, le bon Dieu m'a guidé. L'équipe désolée, c'est devenu sans pitié. Un peu de Jack Mel pour m'exciter. Roue arrière, y'a pas de train, j'frappe dans la cité. Ça vend du shit en lamelle, et ramener. C'est toi qui fais le mac au final, tu peux ramener. Mais mes potes m'ont dit, t'es en bougie. Au pire, j'mets un masque sous le casque AGB. C'est tout la LON, on dirait qu'à Pointa. C'est pour les frangins qui mettent un ilangin. Normal pour les anciens. Pour ceux anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en traite, y'a des mecs comme ça. Que des délits de fuite, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui. Ça fait des grosses peines. Des beaux mètres à nuit. Et j'gamberge. Je fume plus, j'oublie. Survête en boîte, normal. Comme but ça vole, normal. Passe pas la charge, normal. J'fume ma drogue, normal. En cas de poursuite, normal. J'cache la plaque, normal. Père de hockey, normal. Attaque sans cagoule, normal. Elle est bonne prise là, droite tu du visage, j'ai pété le péage. C'est du l'Alonso dans le virage. Vert tu trop bizarre, j'bouge à Ibiza. Passe-moi une brise là, elle est bonne prise là. Droite tu du visage, j'ai pété le péage. C'est du l'Alonso dans le virage. Braque, braque, braque, y'a ceux qui volent, volent, volent. Ça sent la pince, pince, pince. Ça nous quand qui volent, volent, volent. J'repose dans ta misère, zère, zère. C'est du petit zère, zère. Tu me poses au bizarre, zare, zare. C'est moi qui serre, serre, serre. Ça s'engraine, que ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui, ça fait des grosses peines. Les beaux mettent à lui. Et je gamberge, plus je fume, plus j'oublie. Que ça s'engraine, que ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui, ça fait des grosses peines. Les beaux mettent à lui. Et je gamberge, plus je fume, plus j'oublie. Tu refais en boîte, normal. Comme tu t'aboles, normal. Je pas la charge, normal. Je fume ma drogue, normal. En cas de poursuite, normal. Je cache la plaque, normal. Père de hockey, normal. Attaque sans cagoule, normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Planète Rap. 100% rap français. C'est la nocturne avec Unique dans la nocturne, 100% rap français. Yeah, yeah, yeah. Ville de Troyes, ville de Troyes, ville de Troyes. Ici, deuxième épisode. Yeah, yeah, yeah. Loin des traces et des baguettes, on avance du mieux qu'on peut. Pour tous les débrouillards, pour toutes les débrouillardes. Ici tout est sombre, sombre comme la pénombre. On peine ensemble vu que la force émane du monde. Nos visages traduisent le malaise social qui nous habite. On a pris des douleurs immenses sur lesquelles la paix grave. Habitués au coup du sang, on sort des laissés pour compte. On facture des deux jeux et sous marque de bourbon. Si on le sait, sois sûr que c'est en silence. On file un mauvais coton, mais faudrait qu'on ait les finances. Deuxième séance pour ceux qui ont loupé l'entrée en scène. Ici, nos esprits sont plus pollués que la scène. Les usines en perdition viennent nous rappeler les bureaux d'antan. Aussi que le passé n'est glorieux que si le futur est tentant. Entends l'effroyable silence des chaînes de montage. Des montagnes de rouille qui surplombent le paysage. Des visages sont fermés, le bonheur est en dépôt bilan. On use nos foies et nos budgets en enrichissant Tilon. Cette issue ici, que l'espoir s'éveille des trophées. Qu'on cherche la route de la chance sans savoir vraiment où c'est. Cette issue ici, qu'on vit sans en prendre le temps. Habitué au rendez-vous raté, y'a que celle qui nous attend. Cette issue ici, que l'espoir s'éveille des trophées. Qu'on cherche la route de la chance sans savoir vraiment où c'est. Cette issue ici, qu'on vit sans en prendre le temps. Habitué au rendez-vous raté, y'a que celle qui nous attend. Ici, on survit en cumulant les emplois précaires. On vit dans l'urgence avec le coup près de l'interdit bancaire. Le visage de la chance nous est moins familier que celui de l'huissier. Ça fait un bail que notre crédit bonheur est épuisé. On puise dans nos ressources pour soutenir le moral. Tellement de suicidés au travail qu'on y érigera un mémorial. Avec la paix on n'est pas au stade de la conciliation. Ma ville c'est une nature morte qui mettrait un psy en dépression. Ici le mauvais sort fout totalement de la couleur. On attend encore que Camille vienne prendre notre douleur. Les plus chanceux ont mis les voiles vers d'autres horizons. Ne t'y trompe pas, nos mythes sont en accord avec ce climat moribond. Ma ville est belle, mais froid quand tu l'abordes. Elle fait mentir les bulletins météo de Catherine Laborde. On vit les rares moments de répit comme une grâce inespérée. On est ceux qui font leur nid là où la malchance est terrée. Cette issue ici, que l'espoir s'éveille des trophées. Qu'on cherche la route de la chance sans savoir vraiment où c'est. Cette issue ici, qu'on vit sans en prendre le temps. Habitué au rendez-vous raté, y'a que celle qui nous attend. Cette issue ici, que l'espoir s'éveille des trophées. Qu'on cherche la route de la chance sans savoir vraiment où c'est. Cette issue ici, qu'on vit sans en prendre le temps. Habitué au rendez-vous raté, y'a que celle qui nous attend. Qui nous attend, qui nous attend, qui nous attend, qui nous attend, qui nous attend. La leçon, on a plus de voix en leur professeur. Le tableau est trop noir pour qu'un peintre y mette la couleur. À bouleur, qu'on est souriant comme un type qui fait l'hormone. Pour certains, les moments de joie sont dans les matchs au stade de l'eau. Un être de nature, on réfléchit qu'une fois à mi-chemin. Ici, soit tu te résumes, soit tu trouves la comme chez Michelin. On s'en met au jeu en quête, une fortune hypothétique. Sujet au crédit, nos avenirs se retrouvent hypothéqués. On avance et se pendait sur leur parcours itinérant. Ici, le maître est plus suspect que passé Frédéric Mitterrand. Ici, on oublie de vivre lorsque la machine se sévit. Pourtant, on n'est pas Mario, on n'aura pas le droit à cette vie. Comme partout, on nous voit comme du carburant pour la machine. Sans prendre conscience qu'on passe notre temps à couper les chiffres. Ici, la solidarité répond aux abonnés absents. En matière d'emploi, j'assure que trois c'était mieux avant. Cette issue ici, que l'espoir s'éveille des trophées. Qu'on cherche la route de la chance sans savoir. net rap. 100% rap français. Drive by Firm. Pourquoi tant de haine? Si on a le seum, c'est qu'on aurait voulu qu'on s'aime. Pourquoi tant de haine? Allez demander ça à ceux qui ont créé ces putains d'HLM. Docteur, je pense qu'à pisser dans l'urne. Est-ce que c'est grave? Je trouve plus de taf en intérim depuis qu'a poussé ma barre. Je crois que je suis trop arabe. Ou peut-être je me fais trop de films et que ma raison a dû se pendre à un arbre. Dis à la riche qui viennent vivre dans le ghetto. Et je te parie sans eux qui te donneraient un putain de bolos. L'espoir s'arrête là où le périph' commence. Retire ton gilet par balle, on tire pas sur l'ambulance. Souviens-toi, la terre est un champ de carottes dont t'es la cible. On te la met dans le cul, faut juste l'avoir le moins profond possible. Mon savoir est une meilleure, et jamais je bouge sans. Je connais mes couleurs noires et gris, ça donne un avenir rouge sans. On s'accroche aux branches, tant qu'on est vu comme des singes. Soyons qui, je prends le stylo à défaut de prendre la seringue. Certains frères la foi à l'envers, et d'autres causent trop. On est plein, mais quand y'a un billet à faire, on devient claustro. Marianne voulait des minots, mais les gros l'ont mis en cloque. Génération Tarantino, la vie vaut moins qu'une clope. Ce drapeau me rappelle que je m'affiche en bleu de travail. L'état veut me saigner à blanc, à la mort j'ai les yeux rouges. Pour tout l'or du monde, la rue n'est pas un banc. Si Marianne voulait pas sa banlieue de ces gens, pas lesquels importe. On nous demande pourquoi tant de haine. Adressez-vous à ceux qui ont créé ces putains d'HLM. L'espoir des nôtres s'arrête là où le périph' commence. On tire ton gilet par balle, on tire pas sur l'ambulance. On nous demande souvent pourquoi tant de haine. Adressez-vous à ceux qui ont créé ces putains d'HLM. Ne demande pas pourquoi, moi ma chance, je veux spender mon enfant. Donc j'ai appris à vivre sans comprendre. Le même sang mais pas les mêmes privilèges à croire. Un destin planifié, loin des sports trop propres. Les menottes me disent pas que c'est faux. J'ai soit la maille manque, et c'est tout ici. L'espoir nous étouffe autant que la confiance tue. Donc ne demande pas de croire à leurs belles promesses qui se torchent avec, car rien ne change depuis les ports de nos parterres. Alors la haine nous élève contre leur système. On s'organise en bise, milite à coups de cocktail. Les places de l'Elysée sont chères, avec ou sans papy. Alors Dieu pousse les mêmes à la même enseigne. Mais qu'est-ce qui me pousse à parler racaillement? Mais qu'est-ce qui pousse les miens à foutre le feu et pleurer des larmes de caïman? L'État nous prend pour de la merde. Ils disent que même écrasé du pied gauche emporte la poisse. Mais nous on vous emmerde putain. J'ai la rage depuis que je suis fœtus. Quand je suis né j'ai collerie. Grandi un pied dans le crime, c'est ce qu'on avait, je suis foutu. Pourquoi tant de haine? Bâtard, on veut manger, ouvre nous les portes. Que je range mon gun et renverse ma NKN. On nous a menti, trahi depuis l'école jusqu'à l'intérêt. Donne du taf, on prend une baffe, cesse les faux craries. 93 raisons de remplir puis ton essence. Parce que les préjugés sont l'ennemi du bon sens. Pour tout l'or du monde, la rue n'est pas un banc. Si Marianne voulait pas sa banlieue de ces gens, pas lesquels importe. On nous demande pourquoi tant de haine. Adressez-vous à ceux qui ont créé ces putains d'HLM. L'espoir des nôtres s'arrête là où le périph' commence. On tire ton gilet par balle, on tire pas sur l'ambulance. On nous demande souvent pourquoi tant de haine. Adressez-vous à ceux qui ont créé ces putains d'HLM. Sam, c'est Youssoufa dans la nocturne. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Et je vais pas te mentir pendant que tout va mal. Bâtir un empire avant que mon souffle s'en aille. Choose life, choose life. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Et je vais pas te mentir pendant que tout va mal. Bâtir un empire avant que mon souffle s'en aille. Choose line, choose line. À chaque couplet, c'est le combat pour la ceinture. Faut que tes rappeurs remplis de clichés, même pas les voir en peinture. La street c'est ci, la street c'est ça. Je suis un vrai, je suis un dur. Rasez-moi ces crêtes de tapette et stoppez vos teintures. Je vais remonter les pendules, c'est l'heure du titre. Les jaloux n'ont qu'à jeter l'œil, moi j'ai l'œil du tigre. Ce que vous cachez, il faut quelqu'un pour le dire. Je vous le prépare, j'ai bossé tout l'album dans un stand de tir. Trop de choses à dire, donc je viens planter ma tente. Et longue a été l'attente. Aucune pression, on a déjà tiré sur ma tente. Le coffre chargé, sueur au front, je passe la frontière espagnole. Je suis africain, je manque de jugeote, selon les tirs de Sagnol. Je voulais en savoir plus sur mon peuple, sa grandeur, ma parole. Toute ma scolarité, mon gavé de leur Marcel Pagnol. Nous lave le cerveau à en perdre la raison. Pour chaque saison en saison, mes frères de couleur deviennent des nègres de maison. Gamma. Gamma. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Et je vais pas te mentir pendant que tout va mal. Bâtir un empire avant que mon souffle s'en aille. Choose line, choose line. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Et je vais pas te mentir pendant que tout va mal. Bâtir un empire avant que mon souffle s'en aille. Choose line, choose line. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Si on n'avance pas dans nos vies, on l'a peut-être mérité. Nos parents sont venus en charter boat people. Mon RSA dans des Jordan. Mon argent sale plaqué dans des boîtes people. Là où ça chope la pétasse. Qui rêve d'être mère au foyer. Sans faire la bouffe, sans faire le ménage. Fouteux qui paye ton loyer. Réfute tous les préjugés. Y'a que Dieu qui peut te juger. Sacré toupé. Crois-moi ma sœur, ce coup-ci, il va pas te louper. J'ai peut-être péché, peut-être eu de la poudre sur les mains, mais pas de sang. Comme tous ces chefs d'État qui gouvernent, je te dis juste en passant. Fuck vos idées reçues, fuck vos maîtres qui jugent dans notre accent. Fuck Jules Ferry, fuck Montesquieu, fuck Guy de Maupassant. Ils ont vendu les biens pour une poignée de dollars. L'Afrique a filé sa richesse, et en retour, ils ont filé Ebola. Mes soucis sont devenus gros là, mes rêves ont fini tôt là. Donc votre morale, votre éthique, tu craches un sacré mot là. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Et je vais pas te mentir pendant que tout va mal. Bâtir un empire avant que mon souffle s'en aille. Choose line, choose line. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Et je vais pas te mentir pendant que tout va mal. Bâtir un empire avant que mon souffle s'en aille. Choose line, choose line. Choose line, choose line. Planète Rap. Caïb, C-Boy, Gradure. C-Boy, Caïb, Caïb, ça sec partout de la France. Fucked up. Bonjour, Rick. Après des notes. Venu de la guerre, les bruits des armes d'horloge. Mon cœur un vaisseau, y'a peu de place à bord. J'suis fucked up sur Rallis. Et mes masses avec du Rallis. Ouais, du Rallis, j'vais faire un tabac comme les Buralis. Va faire des couilles pour les poser sur la pute. Je sens comme un gouille. Qui rafale dans le top. J'suis un peu dans la chebou. Côté, je tiens plus debout. Caïs, l'attrape est trop douce. Nous tout est carré comme leur mano doux. Fucked up sur Khalif. Fucked up sur Khalif. J'ai fucked up toute la night. Nasta, yeah, yeah, yeah, yeah. Fucked up sur sous Harry, un joint de plus que j'y peux air. Forcément, je suis sur Saturne 12. Me ramener le matos, la voiture est chargée. All black, c'est ta Saturne. Bibi explosé derrière mes jeunes glacis. Nuages de fumée, je deviens philosophique. Les poumons sont pleins de narcotiques. Assez pour faire crever un asthmatique. Chiqué, soit de ma bouquet. Tout ce qu'on voulait, c'était se remplir la panse. Tu veux de la drogue, tu veux de la bonne. Fuck top sur Harry, je fais danser la France. J'arrive doucement, mais sûrement, je suis pas pressé. Plus c'est long, plus c'est bon, je les baisse avec ex. Qui fasse la queue, chacun aura sa fesse. Et dans la tri, dans le peur, un dealer, tout est carré. Fuck top sur Harry. Fuck top sur Harry. Fuck top toute la night. Nasta, yeah, yeah, yeah, yeah. Fuck top sur Harry. Fuck top sur Harry. Fucked up toute la nuit, must up, yeah, yeah, yeah, yeah. La nocturne. Cœur jaune dans la nocturne. Shabbat, Shabbat, tout comme ça gratte. Donc panique, je vois que tu bafouilles. C'est du 9-3, évite de faire le fou. Ou ta mère risque de pleurer, t'as des dépouille. J'rappe pour vous casser, casser les couilles. Arme de poing, guise de paire de couilles. J'tire pas à blanc, dans 9 mois tu accouches. Gros étonnation qui sort de ma bouche. J'rappe pour vous casser, casser les couilles. Rage et violence dans mes propos. Mangeur de requier depuis le préau. Si j'avais la place de Smith comme rôle, mes rafales auraient déjà buté Néo. Rap au débit, flow au débit. Négro à plus d'un mètre 90. Toujours en 501, Carpon et Lévis. Jamais ça me sunglasse comme Edgar Davis. Tu veux le bouquet, tu connais le tarif. Tu connais le tarif. Chat de la cage, je cours après le bif. Tout dépend du nombre de bulles après le chiffre. Dans le noir total, mademoiselle. While I be like, tu étais si belle. Bonobo, je pèse comme une bête. Ah, on va en croire tes décibels. J'suis la bête noire. J'suis la bête noire. J'suis la bête noire. Du rap français, j'suis la bête noire. J'suis la bête noire. Du rap français, j'suis la bête noire. Reflet de mon miroir. Ce que j'vois devant WAM, c'est la bête noire. J'suis la bête noire, j'suis la bête noire, j'suis la bête noire, j'suis la bête noire. Du rap français, j'suis la bête noire. Refait de mon miroir, ce que j'vois devant moi, c'est la bête noire. Faire partie de l'histoire, du rap français, j'suis la bête noire. Baby, baby, baby, je sais qu'en ce moment j'suis busy, busy. J'avoue, j'me fais rare comme une place libre au cœur de Paris. Bosseur acharné comme N'Sakala ou Blaise Matuidi. Je suis une espèce recherchée par tous les scientifiques. Bonhomme, bonhomme, j'ai sucé personne pour faire mes grosses sommes. Je reviens de loin, 93, des brouillards dans le sang. Je vends pas la drogue, mais en cas de coup dur, je suis déjà équipé. Je fais pas le voyou pour rien, si à toi, je vais pas hésiter, négro. Je vais pas hésiter, négro. Je vais pas hésiter, négro. C'est la rue, négro, sexe, oseille, à en crever, tu vois le topo. Je suis au top niveau, j'ai les gros négros en mode 2.0. Je vais pas hésiter négro, je vais pas hésiter négro. Quand j'entends les acteurs du rap game, j'ai pas la pression. Ils pensent élever le niveau du rap, mais j'ai pas l'impression. Malheur sur toi, si tu te mets à mal parler sur moi. Je suis comme cette légende de cracher après le passage d'un gros chat noir. Je suis la bête noire, je suis la bête noire, je suis la bête noire. Du rap français, je suis la bête noire. Je suis la bête noire, du rap français, je suis la bête noire. Reflet de mon miroir, ce que je vois devant moi, c'est la bête noire. Je suis la bête noire, je suis la bête noire, je suis la bête noire. Du rap français, je suis la bête noire. Reflet de mon miroir, ce que je vois devant moi, c'est la bête noire. Faire partie de l'histoire, du rap français, je suis la bête noire. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Lunettes tatées, forcé non, vitre tatée. Bender, bender. J'partais au charbon. Oui. Les biches portent blindé. J'ai encore la dalle, j'suis pas gaffe. Oui. J'charbonne toujours les mains gantées. Oui. J'charbonne toujours les mains gantées. J'volais le goûter des enfants gâtés. Oh, oui, oui, oui. Elle prend pas le cul. Elle veut pas se régater le clito. Bendo na bendo. Tosse comme un charo. Oui. Petit niggas à l'enquêteau. J'vais pas te rase pas, t'es vraiment paro. T'es vraiment paro. Paris Saint-Germain. Ouais. Et Bento, m'as tu dit Charo. Au Paco les Choco. Maintenant, t'as même le teint rose. T'as même le teint rose. On paye pour qu'on t'arrose. Trafic NT et la parole. Trafic NT et la parole. On t'a niqué, toi t'as planté. Ouais. Plan A, je vais plomber. Ou comme la peu, je vais planter. J'commence seulement, j'commence allemand. M'as tu dit rock. On a la talement. Dans la rue, ça t'allume brutalement. On démarre sur un véhicule allemand. Allemand, allemand. Tu tires apparemment. Allemand. Accord allemand. Allemand, pourquoi tu cries mon grand? Tiens, vas-y prends un calmant. Auto chiume pour tous les frères qui tombent. Tombe, j'ai jamais seul, demande pas pourquoi derrière moi c'est sombre. Somme. C'est pas que je bombe, mais mes frères c'est mon nombre. Oui. J'suis barbu, j'pose pas de boum, j'veux pas l'enfer après ma tombe. Y'a pas de zéo, donc je le braque. Faut bendo illico, gros y'a la bague. Faut baisser comme Nico, j'ai changé de bas. NS en hélico, j'suis en jetpack. On veut des sous comme l'auto. Pas de peine blanchée, pas de toto. Pieds blanchés dans l'auto, on est les best, y'a pas fait tout. C'est de l'argent, quitte à condition, protège la mufle. Et qui veut faire avoir feu comme un lacon. On sait faire la guerre comme des sauvages, puis comme des bisous, du cognac. Bibi des trolls, ils sont gros face. Le thème c'est Tana, Tana, Tana, des Tana, des squads. J'fais mes doha. Hola amiga, amiga, les chicas for hella. J'fais ma moula, quitte à dépenser. Attaque à la marche comme un Ruben. Outou, outou, outou. J'te mets les trois points comme Jordan et Moula. Allumé, manque de poids, tu vas, ça t'a touché. On viendra quand même régler. diagonale, m'a tu dis charo. Les symphonies sales, m'a tu dis charo. Ting chang, m'a tu dis charo. Même couché par ça, m'a tu dis charo. Bande la jamba, m'a tu dis charo. M'a tu dis charo, m'a tu dis charo. M'a tu dis charo, m'a tu dis charo. M'a tu dis charo, m'a tu dis charo. M'a tu dis charo, m'a tu dis charo. La combat le butin, m'a tu dis charo. Terrain plus nombreux, m'a tu dis charo. En cas de pépin, m'a tu dis charo. Ça salame les 22, m'a tu dis charo. M'a tu dis charo, m'a tu dis charo. M'a tu dis charo, m'a tu dis charo. M'a tu dis charo, m'a tu dis charo. M'a tu dis charo, m'a tu dis charo. La nocturne avec Niska à l'instant qui débarque dès lundi 20h-21h, dites-le autour de vous, loupez pas le rencard toute la semaine prochaine dans Planète Rap. Niska qui viendra nous présenter son projet qui sort le 2 octobre, à pas louper. Merci d'avoir veillé tard pour cette nocturne 100% rap français, prochaine nocturne dans une semaine. Merci à Kamel l'Ancien qui était là au tout début de la nocturne, passez une bonne nuit, Fabulo au contrôle, c'est parti, le son de Skyrock, rap R&B en non-stop. Rap R&B.